Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, oui, bonjour, bonsoir. Adrien, t'as pas fait oui, t'étais en train de boire? Bah tu m'as surpris. Quand t'es surpris. Il y a plus de générique, il y a plus rien. Oui, bah écoute. Je suis fatigué. 3, 2, 1. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Du Floodcast. C'est vrai que je fais ça. Du Floodcast. Mais il m'imite bien. Non, mais. Oh, c'est rien. Franchement, imite-moi. Le cinéma. Comme accueilli, je suis accompagné d'Adrien Méniel, ouais, hein, qui me croque comme ça, comme un petit caricaturiste. De mon martre. Notre j'ai première... un béret, là. Je c'est vrai. Notre première invitée est humoriste et comédienne. Elle joue tous les mercredis jusqu'à fin décembre au Théâtre Beau Saint-Martin, près de République. Elle fait du stand-up ainsi que de la musique sur scène, mais elle interprète aussi des personnages sur Europe 1 dans l'émission Culture Média. Il ne manque plus que la ventriloquie et l'imitation de président de 5ème République. Et elle aura vraiment toutes les cordes à son arc. Qu'est son talent? C'est Cécile Marx. Ouais. Waouh. Bienvenue, c'est la première fois que tu viens dans l'émission. On est ravis de t'accueillir. Et pas des moindres. Non, c'est pas ça du tout. Si, ça marche, ça fonctionne. Allez, yes. Notre second invité est comédien et humoriste. On le voit de plus en plus sur scène. Si on traîne du côté de Paris, il sera d'ailleurs à la soirée du Random à l'Européen avec toi, Cécile, le 19 novembre. Il y aura entre autres aussi Étienne Antoine, Guigui Pop, Nash, Léopold Le Marchaud, plein d'avis. Le Marchaud. Léopold Le Marchand. Il est pas très connu celui-là, mais le il est super. Marchaud, Léopold le marxiste. Il a changé sa ligne édito. Plein d'habitués de l'émission. Il est l'éternel bagarre et compté dans nos cœurs, mais il a surtout fait les grandes heures de cette émission en faisant une magnifique publicité à l'Empire Club, anciennement l'Acropole de Chizy Manzarin. Petite boîte située face au Buffalo Grill, pas très loin du Grand Frais. Exactement. C'était différent. Bravo. Oui. Merci. Merci, et je trouve ça super que tu rappelles un petit peu cette acropole, parce que pas mal de gens l'avaient oublié, cette anecdote. Non, mais j'ai pas très très peu. Tu remarqueras que j'ai pas rappelé que tu t'étais chié dessus. Bien sûr. Non, j'avais été. Mais les gens le font très bien pour toi. Et je les remercie, j'adore. Alors avant de commencer, Teddy, sache que j'ai fait quelques recherches sur cette boîte de nuit. Ouais. Je n'avais pas fait la dernière fois. C'était pas fini en fait, apparemment. Oui, c'est une émission spéciale. Non, mais. Je savais pas que c'était dédié. Je savais pas. J'aurais dit à mes parents d'écouter, c'est con. Non, mais tu sais, cette boîte de nuit où t'as une plaque commémorative à l'entrée. Bien sûr. J'ai regardé les avis Google, il y en a des très très bien. Alors j'en partage des petits comme ça. Ah. Ouais. Je me sens obligé de vous donner 5 sur 5. Et si je pouvais mettre 100 étoiles, je le ferais. Ambiance magnifique, des belles go. Alors ça. Oui, là, c'est vrai qu'il y a des belles go. Alors, ouais. Mais c'est un chanteur de R&B des années 90. Non, mais attention, parce que le gars a dit j'ai fait toute la France. Cannes, Nice, Saint-Tropez, Montpellier, Paris, Rennes. Monaco également. Oh, je ne peux pas compter, mais vous êtes au top. C'est vrai, changez. C'est un beauf. Attends, j'ai un doute. Et j'aime bien ce qu'il dit. Changez pas la prochaine fois, je donnerai un pourboire. Okay, c'est la meilleure boîte du monde. Là, il a pas donné. Un énorme rat. Mais il y a aussi des gens qui aiment pas trop, puisque quelqu'un a dit le titre s'appelle Chicha horrible. Aïe aïe aïe. Tarif 40 €. Point d'exclamation. Ah ouais. Le serveur n'est pas du tout accueillant. Ce n'est pas du vrai goût dans les têtes. Elle ne fume pas et la chicha a vite le goût de charbon. Ce n'est clairement pas une prestation digne de payer 40 €. C'est un cauchemar. Voilà. Alors, ça a dû beaucoup changer depuis la fois où j'y suis allé. Il n'y avait pas de chicha. Pas du tout de chicha. Il y avait des go, mais c'est pas du tout de chicha. C'est toujours à côté d'un aéroport, rassure-moi. C'est toujours très proche de l'aéroport. Ouais, et c'est là-bas qu'avait été tournée une scène des 11 commandements où Michael Youn arrivait en char ou en tank devant une boîte. Ah oui. Devant cette boîte-là. Wow. Déguisant Hitler, rappelons-le. Non, ça c'était. Alors, ça pour de vrai, c'était dans le village de mon père. Oh là là. Mais le père de Teddy est Michael Youn. C'est ça. C'est pour ça. Tout est dans mon village parce que c'est papa Mika. Donc Cécile, comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Donc voilà, c'est des petites news liées à l'actu. La SNCF a licencié un certain Az, alias Azdine Swiri. Bien sûr. Pas l'humoriste, bien sûr, parce qu'il a posé des congés maladie pour faire autre chose. Mais à votre avis? Ah, je sais. Vous l'avez vu. Ah ouais, ouais. Mais non, mais. Là, je crois que. Allez-y, c'est la première vivre fois. Dans... Quoi, je. Si tu peux nous dire la réponse. C'est un des chanteurs de tragédie. Oui. Tout à fait. Il était trop occupé à rester ghetto. Le groupe rebaptisé. Alors, il s'appelle T30 maintenant, tragédie. Je savais pas. J'imagine c'est pour. Oh là là. C'est le nom d'un train. C'est un hommage. C'est le tram. Ouais, voilà. Mais sauf que ça a pas 30 ans, tragédie. C'est ça que je comprends pas. Ça, c'est... Parce que c'est vieux, mais ça. Diantre, j'espère pas. Non. Non, mais ça a 20 ans, tragédie. En vrai... Mais non, c'est plus après 2000. Non, pas 30 ans, mais au moins 20 piges. Bah, attends, ils se sont peut-être. Pourquoi T30, Adrien? T'es sur le dos. Il est sur le dos, Adrien. On peut faire des suppositions. T30, peut-être qu'ils ont juste 30 ans. Alors, est-ce que c'est possible. Pas T3.0, genre 3.0, ils sont 3 maintenant. La manière Tragédie 3.0. Putain, 3, le film 3.0. C'est, ouais. Exactement. C'est ça. Ça. Oh là là. C'est marqué T30 entre parenthèses Tragédie 3.0. Mais oui, oh bien. La tech. J'aime bien comme Teddy a fait semblant de deviner alors que je sais pas. Je sais pas, sur l'album, c'est ce qui est marqué. Enfin, je sais pas. Attends, mais t'as un t-shirt qui avait écrit est-ce que tu m'entends, Eo? C'est pas lié pour les gens qui ont des problèmes d'audition, ça n'a rien à voir. Alors, il faut savoir quand même que le groupe était venu en juin 2017 présenter son nouveau single Tu n'aurais jamais dû sur le plateau de TPMP. Ah bah, c'est... Mais ben oui. Regardez-le celui-là. T'es Guillon, mon pote. Mais la présence du chanteur fait réagir du côté de la SNCF. Alors faut savoir que oui, donc maintenant il travaille, il est contrôleur RATP. En effet, l'homme contrôleur avait justifié son absence du jour par un arrêt maladie. C'est pas malin. Non. D'être à la télé. Après d'aller à la télé, c'est vraiment très facile. C'est pas France 3 Bourgogne. Enfin, il y a des gens qui regardent quand même. Tu peux tomber dessus. Après un conseil de discipline, Azdine Souiri a été licencié par la compagnie ferroviaire. En effet, parce que c'est pas la seule fois où il l'avait fait. Dans les recherches, la SNCF avait découvert que les dates de concert, de tragédie et d'enregistrement du groupe correspondaient quasiment T30. Pardon, oui, excusez-moi. S'il te plaît. 3.0. Excusez-moi. Ouais, c'est surtout les dates de concert de tragédie. Je sais pas s'il y en avait 15 000. Les deux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas de chance. Correspondaient quasi systématiquement à des périodes d'absence pour maladie. D'autres dates correspondaient par ailleurs à des périodes de congé en l'absence d'autorisation et d'information de son employeur. Az a ainsi commis une faute et sa sanction a été jugée proportionnée par la justice. Ouais. C'est beau et triste à la fois. Ah ouais, moi ça me fait mal aux ovaires, quoi. Horrible. Parce que ça n'a pas marché derrière. D'ailleurs, le tragédie n'a pas marché. T'es 30 et pas revenu. Mais ça, rechanger le nom, je trouve que c'est toujours un peu casse-gueule. Genre, les gens veulent voir tragédie, donc t'arrives, tu dis je suis T30, tu fais mais qui es-tu vraiment Et déjà, les gens veulent pas voir tragédie, déjà. Et en plus, t'es 30, moins. D'accord, donc non, rien ne marche. T'as écouté tragédie autour de la table? Toi, jamais sérieusement, même à l'époque. Mais où... c'est ta génération, t'es c'est comme moi. Complètement ma génération, mais je trouvais déjà ça. Mais j'aime plus, je crois que j'aime plus maintenant qu'à l'époque. C'est ça qui est bizarre. Willy Denzey, par exemple. Oui, les murs du son, les gars, c'est un banger. C'est moi, je l'écoute premier degré, mais en plus, je l'avais dit dans un autre épisode. Pas à l'époque. Maintenant, oui. Exactement pareil. Il est étrange. C'est-à-dire que Booba avait voulu le clasher. En disant Willy Denzey, tu te souviens pas? Non, bah, son petit et maigre oublié Willy Denzey, je crois que c'était un truc comme ça. Ah oui, Willy Denzey. Et en fait, et voilà. Non mais ça c'est là où tu t'en souviens. T'es souvent d'accord avec B2O. Et là je suis rarement en clash avec B2O, mais là ça va. Attention. oui, non, je suis d'accord. Très bon son de Willy Denzey. Elle est vraiment bien. Teddy, qu'est-ce que t'écoutais toi à l'époque un peu pour savoir? Alors, j'ai envie de dresser un peu ton portrait musical. Écoute, j'avais plusieurs compis, notamment Virus Techno 4. Tu veux dire le CD 100% Makina? J'avais 100% Makina. Dès qu'il y avait techno avec un K dedans, c'était pour moi. J'avais tout ce qui se faisait, donc j'écoutais beaucoup de ça, de DJ Fred Arnolte, Flor Fila pour les puristes. Oh, tu rigoles. Voilà, quelques trucs cultes comme ça. Et Tragédie et tout, c'était un peu après, mais j'ai aimé Tragédie Tribal King. J'ai adoré King. Oui. Tribal King était plus coquin, plus sexe. Oui, voilà. Bah leur façon en tout leur cas façon. C'était la façon la plus sexe que vous pouviez trouver sur le marché. Au final j'écoute plus volontiers façon sexe que EO par exemple. Oui, c'est vrai. Ça a mieux vieilli. Moi je reste ghetto quand même. Elle reste en tête, je trouve. C'était la musique qu'ils avaient fait pour le film Ong Bak. Oui, avec Tony Jaa. Et je reste ghetto, je trouve qu'elle est elle pousse un peu. Et t'écoutais quoi alors du coup toi à l'époque, Cécile? Ouh là là, il y a eu beaucoup de choses. Il y a quand même eu les L5. Bah oui, ça c'est toujours. Je suis allée très les voir en concert. Oh putain. Et ma mère, j'étais debout ou assis par terre? J'étais debout. Ah oui. Avec des copines. Et ma mère qui avait fait des sandwichs. Oh, c'était vraiment la loose. Moi, et on avait des sandwichs tout mouillés parce que c'était toujours un peu nul. Elle enlevait. Tu sais, pas l'eau dans les tomates et tout. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je me souviens de ce. Oh, merci maman. Oh là là. Avec le sandwich qui coule dans les doigts. Une étincelle. Oui. Ah, c'était un très, très, très beau souvenir. C'était beau les L5, c'était beau. Les L5, c'était toujours bien, chiant, moi je trouve. Britney, évidemment, classique. Voilà. Et sinon, beaucoup de comédies musicales. Mais Les Misérables. Les Misérables. Ah, des comédies musicales stylées, genre. Ouais, parce des comédies musicales stylées. Ah ouais, pas les 10 commandements. Non, pas... ah, oui, les 10 commandements, c'est stylé. Il y a eu un jamais quand même. C'est ce qu'il a littéralement fait. Jamais. Je suis un peu intégriste de la comédie musicale et du coup. Tu vas à Londres par exemple? J'ai vu Les Misérables à Londres, mais en fait mon père a été dans Les Misérables, la version une des seules qui s'est faite en France, c'était juste avant que je naisse, donc ça devait être. Ouais, c'était en toute 91, je crois que c'était 88 ou 89. C'était Hugo la mise en scène. Et ma mère était dans Starmania, donc ah voilà, ouais. C'était un peu des ouais, j'ai un peu grandi biberonné par la comédie musicale. Ouais, et du coup, ouais, non, très peu pour moi. Non, oh là là. Les 10 commandements. Les... Et t'as vu le Starmania le nouveau ou pas? Non, je l'ai pas vu. Et Les Misérables. T'énerve pas, je t'en suis. Non, il vient de cogner la table. Putain, c'est... Et Les Misérables qui reviennent. J'ai vu qu'ils revenaient à Paris. Ah ouais, ah ouais dans les rues de Paris, grâce à Macron. Oh là là, là, là oui. C'est plus que jamais l'actualité. Oh là là. Moi j'ai vu les 10 commandements, Palais des Sports, j'adorais. Voilà, je ah, t'es allé voir une comédie musicale? Ouais, ouais, ça devait avoir de la gueule quand même. Ah bah, alors déçu parce que c'était pas Daniel Lévy, c'était le remplaçant. Chaque fois, il y a les stars. Ouais, t'as pas de stars en fait. Quand tu vas avec les trucs pas chers, t'as pas les stars. Hein. Oui. Mais bon, il chantait quand même bien. Non, j'ai eu de l'émotion. Il chantait quand même bien. Il se débrouillait quoi. Le vieux tonton. Il aurait dû continuer, hein, le mec. Hein, je l'ai pas voulu, mais. Oh, l'acoustique était top. J'allais le voir, je lui ai dit, vous avez vachement de talent. Hein. Bon, puis en plus, facile de se garer devant la place. C'est où c'est bien foutu, Palais des Sports. C'est cool. Toi, Adrien, t'étais plus dans ta vingtaine, calme toi. Toi. Non, non, mais calme-toi. Mais non. J'ai t'es qu'à 60, t'allais pas bien vu qu'on avait les mêmes refs et tout. Quel intérêt de la mais chronologie non, mais je veux là. À quel point tu étais sensible à ces choses-là. J'ai l'impression que t'étais. Quelles choses là? On a évoqué un milliard de trucs. Oui, non, mais la grande mode des comédies musicales. Moi j'imagine que moi j'avais quoi? J'avais 19 très ans. Très désagréable. Très toi, désagréable. Tu devais avoir 19 moi, ans. Moi je me fendais la poire devant Fernand Reynaud. Je m'écoutais un bon Bourville avec mes potes sur les marches de l'église. Oui, toi, du vin. À la cantine de l'école, enfin voilà. Pinard, voilà, bon, bah, un petit sauce. Mais arrête, mais t'es un grand gamin, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais pas, je m'en fous. Mais je pense pas que c'est une question d'âge. Particulièrement quoi. Bah, disons que c'était genre, des trucs qui passaient c'était beaucoup. C'était un truc. Parce que je suis quand même pas pour les jeunes à la base, les comédies musicales, pardon. Mais... C'est vrai. Oui, mais les posters sont trop, ils étaient pour les jeunes. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, quand la tectonique est arrivée, j'étais au lycée, moi je prenais ça un peu de haut. J'allais dire, tu fais partie. Non, de... moi non. Je moi te non, connais non. pas bien, mais ça m'aurait étonné. Ouais. Non, non, moi j'étais un mec grave cool à l'époque. J'aurais pas fait un truc aussi ridicule, bien sûr. Non, mais voilà, et là pour le coup j'étais passé à côté parce que je me trouvais trop vieux. C'est pour ça que je te posais la question. D'accord, non, mais oui, mais là, ça s'applique à la tectonique, ça s'applique pas tellement aux comédies musicales. Ah, il y a quand même eu un gros boom de comédies musicales. Vous engueulez pas devant moi, c'est pas ça. C'est tout public. Pour les jeunes et les ménagères. Oui, ouais, c'était ça qui a de Chine un peu. Et les true crime. Aucun rapport. C'est comme les Rolling Stones, non, je sais pas. Non, alors attendez, excusez-moi. Parce que j'ai très peu dormi et je suis très fatigué. Il est possible que je dise n'importe quoi, mais Indochine, moi j'ai été les voir une fois, c'est t'as vraiment. Vrai, mais quelle horreur. Oui, et bah quoi. Et bah gifle-moi, c'est si pire que je te dis. Excuse-moi, c'est vraiment sorti tout seul. On pense quand même la même chose, il y a quand même une petite. Non, mais j'étais jeune, non, mais quand j'avais 12 ans. Oui, et oui. Et ils étaient revenus avec J'ai demandé à la Lune et tout, c'était un peu leur grand retour. Oui. Quelle horrible chanson. Non, pardon. Ah ouais. Il y a pas de et tout, il y a pardon, désolé. Je vais mettre mes mains en vase et Cécile va gerber dedans. C'est ce qui va se passer dans quelques secondes. Je peux cracher. Et j'étais extrêmement choqué. Non, mais en plus, moi, j'ai pas continué. Non, mais c'est pas ton daron qui adore Indochine. Si, à fond. Voilà. Et du coup, il y avait vraiment ce truc-là. Tu sentais des gens de, à l'époque, 30, 40 ans et leurs enfants. Enfin, non, plus 40 ans d'ailleurs. Et leurs enfants. Et il y avait vraiment ce truc où parents et enfants allaient voir ce groupe ensemble. Parce que t'avais ceux qui avaient grandi avec l'aventurier et ceux qui avaient grandi avec J'ai demandé à la Lune. Si tu veux, on passe à autre chose que je m'en fous d'un Indochine. Bon, alors, tu t'es chié dessus, t'es dit. Enfin, des sujets. Non, une boutique de vêtements parisienne a proposé un concept tout à fait inhabituel pour un magasin. À votre avis, quel était ce concept? C'est gratuit. C'est pas gratuit. Ça va, ouais, t'avais la voix de tapis là. T'as fait un petit A. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Et t'as racheté la boutique pour 1 euro symbolique. Alors non, c'est pas gratuit. Un concept. Moi je sais malheureusement, donc je vais pas. Je voulais. Oh là là, mais il sait tout. J'adore réviser. T'as révisé en fait. J'ai bossé. Je suis un bosseur. On va essayer de trouver Adrien et Cécile. On va peut-être essayer de trouver. Est-ce que tu obtiens une promotion en faisant quelque chose de particulier? Alors c'est pas une promotion, mais oui. Une réduction, je veux dire. Ah, une très grosse réduction. C'est gratuit si. Exactement. Si t'arrives à le voler. Très bonne raison, très bonne. Alors tu te souviens à peu près, t'es dit, ou est-ce que tu veux que j'explique? Oui, alors je vais mal expliquer, tu expliqueras mieux après. Je crois que ça s'appelle juste, excusez-moi, mais du coup ce concept ça s'appelle juste un magasin. Voler. Non, c'est un magasin. C'est vrai, c'est ça. Super concept quand même. Du coup, si tu recherches. Non, la petite spécificité. Bien sûr, c'est que je crois que l'agent de sécurité est un sprinter de haut niveau, et donc si tu cours, il te court après, il te rattrape. Ouais, mais après ça compte pas les bagarres. C'est-à-dire d'accord, si tu okay. colles une rouste, bon après, bah là, là ça gâche un petit peu le ça gâche un petit peu le truc. Voilà. Si vous réussissez à semer le vigile exactement, c'est évidemment un concept store qui a proposé ça pendant toute une journée, c'était le 13 septembre dernier. La boutique parisienne Distance a réservé ses articles les plus convoités à quelques individus, ceux capables de courir suffisamment vite pour les voler, son ambition valoriser les vrais coureurs. Donc s'ils arrivent à dérober un article ouais, et à semer non, le mais... vigile de la boutique, il est à eux. C'est un athlète incontournable de l'équipe de France, mais j'ai pas noté son nom, j'ai regardé tout de suite. Qui c'est, athlète. Il suffit d'avoir un pote qui t'attend avec un scooter devant et tu montes dessus. Et... Oui, après tu peux venir avec un gun aussi. Oui, il y a non, plein non, de non, mais attends, mais... ils flirtent avec l'illégalité et après ils vont dire ah, mais non, c'est de la triche. Oui, non, bah quoi. Et on bah, va tout... le tabasser, votre vigile. Qu'est-ce qu'il y a athlète ou pas, j'en ai rien à foutre. Si le concept c'est de voler, on va venir voler. Ouais, ça vous amuse. Ça, c'est des mecs d'école de commerce qui ont fait un petit concept. C'est trop marrant. Ils auront un mort sur la conscience. Il s'agit de bah Michael Zézé, autant pour moi. J'ai même tout le monde à fait. Ah, vous connaissez bien. Bien sûr, bah, le fameux. Le Zézé. Donc, l'athlète incontournable d'équipe de France est associé à la marque pour cette opération insolite et a réussi quand même à devancer pas moins de 74 voleurs. Et il y a quand même. Alors, s'il les a devancés, ça veut dire qu'il les a carrément rattrapés. Il est parti devant, quoi. Ouais, mais il a volé. Lui-même a volé. Il a volé. Je peux voler des trucs. Il a pas compris. 67 fois, il est parti avec des articles. On a dit non, alors. Mais il y a quand même deux clients qui ont réussi à piquer des trucs. Ah. Donc voilà, deux clients ont réussi à partir. Mais c'est des trucs un peu mis en scène où, genre, c'est 3-2-1-0 et le mec il part. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de vidéo étonnamment de la journée où ça s'est passé. Surtout que. C'est catastrophique. Moi, la boutique, une boutique distante, je vois laquelle c'est à Saint-Michel. Et ce que je trouve très dangereux, c'est qu'elle est vraiment devant une route, quoi. C'est extrêmement dangereux. Ouais, je sais pas si. Je pense que t'as raison, non, Adrien. Je pense que ça doit être un truc du genre, tu dis, bah, je vais essayer de voler ça, hein. Et puis ils disent, bah, allez-y, partez. Et puis le mec, il part. Et ouais. Puis il te rattrape. Voilà, et voilà, ouais, c'est ouais. ça. Ils ont balisé la rue sur 2 mètres et oui. du coup, c'est nul. En fait, tu fais une course contre un athlète et si tu gagnes, il t'offre un sweat, quoi. Mais je pense c'est marrant parce que. La merde. On sait très peu de choses sur ce truc, mais on est tous très énervés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un mépris. Ça a canalisé toutes nos colères. De profondeur. Ouais. Oh, je suis encore un peu tendu là. J'aime pas. Ça va mettre du temps à me quitter. Déjà, oh là là. Le pauvre As qui se fait licencier. Et après, on rit de la pauvreté des gens qui sont obligés de voler. Oui, bon, allez. Est-ce que vous avez déjà volé dans un magasin? Oui. Ah, c'était rapide du côté de ça. Non, mais alors. Ouais, t'inquiète. J'ai volé. T'inquiète. Une fois, je devais avoir 12 ans chez Claire's, une paire de boucles d'oreilles. Je l'ai très mal vécu. J'ai détesté cette expérience. Genre culpabilité? Oui. Ah ouais? Non, elle me plaisait pas la couleur. J'aurais dû prendre des autres. Et puis, je suis déjà tellement. Déjà à l'époque, hein, angoissée forever. Je suis déjà tellement tout le temps inquiète. Là, de me rajouter ça en plus, c'était pas utile. Ouais. J'ai pas volé pendant des années. Et. Il y a genre, je sais pas, 6-7 ans, j'ai une copine qui me dit: mais tu voles jamais, toi? Je dis: ben non. Oh la honte. Et j'avais vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent. Et je me suis dit: mais c'est vrai, c'est cher, Monoprix. Et j'ai volé les trois mêmes trucs en boucle pendant un an. Ah oui, putain. La litière de mon chat, le PQ et des avocats. C'est les seuls trucs que j'arrivais à voler. La litière et le PQ, c'est énorme. Ouais. Bah justement. Ah, et je confirme, oui, en fait, je faisais passer toutes mes courses, donc en fait, j'en avais quand même pour 60 balles. Non, mais c'était nul comme. J'ai vraiment un problème avec les chiffres. Non. Et 2,34€ le PQ, j'étais là, alors qui c'est qui repart avec? Trop bizarre. Ah ouais. Et si tu la chies beaucoup, pareil. C'est. Bien, hein. Oui, tu me dis. Non, mais pour la litière, c'était pas mal. C'était genre 6-7 ouais. balles. Ouais. Attends, c'était aux caisses automatiques? Non. Mais attends, comment? Devant les dames. Ah, tu laisses dans c'est le caddie. Tu laisses dans le cabas? Non, sous les bras. Ah ouais, carrément. En fait, ah oui, je d'accord. faisais. Ah, attendez. Oh là là. Et carrément, genre, je coinçais. Comédienne. Ah donc il y avait un petit peu de mise en et scène. Et je sortais en faisant ah, et puis bref, j'avais développé plein de techniques et les avocats c'était dans le fond de mon sac. Ouais, et si facile. Jamais je me faisais cramer, je disais oh là là. En fait, je me débrouillais pour dire avant. Mais comment je j'ai pas pris mes lunettes, je vois rien. Enfin, j'avais quand même poussé le truc. Tu t'es déjà fait cramer? Non, jamais. Parce que qui va se dire attends, ça sent l'avocat là. Il y a une odeur de bois qui attendait. Bah, les Mexicains, qu'est-ce qui se passe là? Les chiens caissiers. Enfin, oui, voilà. Les fois où on m'a demandé de regarder dans le sac, c'est des fois où j'avais rien volé. Mais je pense que les caissières, elles en ont rien à foutre que les gens volent. Je pense qu'elles oui. voient quelqu'un qui est vraiment en train de voler, qu'un truc sous le bras, elle fait oui, oui. Oui. Ah, bah alors, moi je me posais la question parce que est-ce que tu peux te le prendre dans la gueule? En tant que caissière, est-ce que du coup ils se disent attendez, on fait les comptes? Parce que moi j'ai. Tout est déprimant là. Ouais, c'est horrible cette. Merde. Eh oui, mais bon, j'aimerais que Cécile, elle se rende compte de ce qu'elle a fait quand même. un an de litière de chat. J'ai arrêté spontanément. Un an après. Non, mais moi, enfant, j'avais volé aussi des trucs. Mais moi, mes parents, ils ont vraiment l'éducation un peu hardcore, quoi. Donc j'avais volé un jouet. Bah, Indochine déjà. Déjà. Bah. Et il m'avait attends, fait... un jouet, j'ai besoin de plus de. J'étais dans un magasin de jouets et je sais plus quel était le jouet, mais c'était pas un énorme. Enfin, c'était un truc, je pense, à 20 euros quoi. À l'époque, c'était encore des francs, je crois, comme ça. Ça devait être une figurine Batman, j'en sais rien, tu vois, un truc qu'il y avait à l'époque. Et j'étais sorti avec et je l'avais caché sous ma veste. Et ma mère m'a chopé par le bras, avec le jouet. Clé de bras. Et ma crise du sommeil. Je me suis réveillé dans le et depuis, l'arrière-boutique. Je peux plus plier le pouce. Bon, voilà. Non, il a fallu que j'aille assumer. Elle m'a dit tu vas aller avec le vendeur et tu vas tout de suite dire j'ai volé ce jouet, je suis désolé. Wow. Et je m'en souviens encore. Ah bah, l'humiliation, parce que je pleurais, genre, je sais pas. Parce que en plus, je devais avoir 5 ans, 6 ans, donc. Aucune idée de pourquoi j'ai fait. Ah, tu vois, c'était une grande surface. Non, c'était un magasin de jouets. C'était un petit magasin de jouets. Ok, t'as merdé. Ouais, j'ai merdé. Mais grande surface, volez tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne, volez-le. Mais je l'avais déjà raconté dans un podcast, mais quand même, l'ironie du truc, c'est quand j'avais 13-14 ans, on était allé à Disneyland avec mon père, et lui, mon père, me forçait à voler. Oui. Ah oui. C'est-à-dire ils étaient pas du tout raccord sur. Pas du tout raccord. C'est fou, ils ont divorcé. Ça n'a pas marché. C'est fou. Et lui, il me filait des jouets et il me disait tu sors avec. Et si jamais tu sors, tu te fais griller ou ça sonne, je ferais. Mais enfin, Florent, faut payer. Moi, j'adore. Bah, à Disneyland. Ouais. À Disney, vole. Pareil. Au prix que ça coûte, voler tout ce qui. Et là, à un moment, il y avait la mode des pins à Disney. Je sais pas si ça existe encore. Et là, mon père il disait oh là là, mais. Prends-les par poignée, mais en tes poches. Dans ton corps. Tu l'avais regardé, les pins, 6 euros. Oh là là, ça dégage. Allez. Mais alors, attends, c'est marrant parce que du coup, il te demandait de voler, mais des trucs pour toi. Oui. Bah oui, c'est bien. Prends-les, c'est cool. Fais-toi plaisir. C'est ça. Et une fois, j'avais perdu, je suis désolé pour les auditeurs qui écoutent tout, j'ai déjà raconté, mais j'avais perdu, je crois, un fusil ou une épée. À Disneyland. En jouer. Il t'a offert un vrai. L'éducation un peu. Limite. Il lui a volé un vrai fusil. Beaucoup mieux. Et on était allé aux objets trouvés. Et ils avaient pas mon épée. Et mon père, la dame a dit bah c'est celle-là. Mon père a fait oui voilà. Et toutes les fois on est allé à Disney, avant de partir, on allait aux objets trouvés. Et mon père testait un jouet au hasard. Il disait ouais bah il a perdu un chapeau de cow-boy. Non vous avez pas. Bon il est perdu. Il a perdu 10 000 balles en liquide. Pas ça là. Et en plus un lingot, un truc. Il était de plus en plus large. Ouais. Bah, c'était un Mickey, mais je sais pas ce que c'est. C'était Mickey. Un truc de Disney. Et attends, un truc que les gosses ils ont là. Surtout vous êtes allé combien de fois chez Disneyland alors, parce que on y est allé beaucoup. En fait nous on partait. Beaucoup. Alors on partait pas en vacances. Moi je suis pas parti à l'étranger avant mes 18 ans. Mais la destination de voyage qu'on faisait tout le temps avec mon père, c'est on allait à mon père et ma mère, hein, c'est on allait à Disneyland Paris, parce que mon père piquait des trucs et on piquait des trucs. Donc on allait tout le temps à Disney. Okay. Teddy, est-ce que t'as déjà volé des trucs toi? Bah j'avais ma mère aurait dû être avec ton père parce qu'elle me faisait voler des trucs aussi dans un supermarché. Ah ouais. Quand on était parti en vacances, on était pauvres aussi. Et il y avait des petites peluches, j'avais 6-7 ans et elle me disait bah mets la peluche sur le caddie, tu sais, je mettais dans le siège. Oh, j'étais moins que 7 ans du coup parce que je n'avais pas dans le siège. Ouais, j'espère que vraiment, non, vers 14 ans, je suis descendu du siège. On m'a dit bizarre, ta cuisse elle rentre pas. Mais donc je m'allongeais sur la peluche pour faire comme si je dormais et on passait comme ça. Et on allait tous les jours au même supermarché parce qu'il y avait 4 peluches. Et on en prenait une par jour et comme ça, une petite collection de peluches. Et on avait volé des trucs. Oh, ma mère était fière de moi. Mais mon père, mon petit voleur. Mon père, il avait plein de techniques comme ça. Et que à Disney, du coup, vu qu'on partait que là-bas. Et c'était que des trucs de. Par exemple, avec mon petit frère, il me disait ouais, baladez-vous quand il allait à l'hôtel de Disney. Pour dire qu'ils avaient qu'un enfant et pas payé le supplément pour la chambre. Tu vois, des trucs comme ça. Et moi, j'ai eu moins de 6 ans jusqu'à mes 12 ans aussi. Oui, c'était genre, la moins de 6 ans. Ils te nourrissaient mal pour que tu grandisses pas trop et tout. Oui, moi, c'est pareil, quand on partait à l'hôtel, je dormais dans la bagnole parce que ça coûtait moins cher. Oui, voilà. C'est des petites astuces qu'on avait en famille. Oui, mais c'est ça. Mais c'est des petites économies. Mais oui, attends, on est content. Moi, j'ai de la place pour moi dans la voiture et puis voilà. Toi, à ton époque, je parle avec Jean Valjean. Moi, nous, on avait des bons pour. Tu vois, je relais des bons pour se nourrir. Bah, pour des. Oui, des étiquettes. Est-ce que t'as déjà volé? J'ai pas trop souvenir. Enfin, si, j'ai déjà dû voler, mais j'ai un souvenir, mais qui rejoint un peu ce que vous disiez. C'était que une fois, moi, j'adorais les G.I. Joe quand j'étais petit. J'étais fou de G.I. Joe. Et on était allé faire les courses avec. Mais en plus, j'ai souvenir qu'il y avait ma mère, mais il y avait aussi genre il devait y avoir ma tante, mon frère. Enfin, on était assez nombreux. On était allé faire les courses dans une grande surface qui s'appelait Continent. Oui, bien sûr. Et ma mère m'avait je l'avais tanné pour qu'elle m'achète un G.I. Joe. Elle avait dit ok. Et ça passe à la caisse et visiblement le code barre passe pas. Et la caissière dit oh non mais ça coûte combien ça coûte 10 francs non. Oui 10 francs des francs voilà niquez-vous. J'étais enfant quoi. Et ça coûtait évidemment beaucoup plus que 10 francs. Et elle m'a demandé à moi tu vois. Elle a dit c'est quoi ces 10 francs ça. Et vraiment moi j'étais un enfant vraiment il fallait être dans les règles, vraiment j'étais très très honnête et j'étais terrorisé à l'idée de mentir et tout. Et j'ai senti la pression de toute ma famille. Ils m'ont rien dit, mais juste ils m'ont regardé, genre. Oui, ment. Oui, ment. Et donc j'ai fait oui. Et donc ils ont dit ok, 10 francs, ils ont facturé 10 francs. Et après, mais j'étais la star. Ils m'ont acclamé parce que j'ai arnaqué une caissière. Le Rocancourt de continent. Voilà. J'ai dit c'est bien, c'est bien. Je me souviens de ma mère. C'est bien, c'est bien. Mais il y a une série Netflix qui est sur toi, sur ce que t'as fait. T'as arnaqué le continent. Elle est en enfer désormais. Et vous mentez, vous, un peu autour de la table? Vous êtes. C'est le genre de truc? Non, mais parce que. Non! Oh, et c'est un mensonge! Oh, il est fort! Ah, il joue. Teddy, tu t'arrives de mentir? Ça peut être des fois du petit mensonge, oui, pour s'en sortir. Mais attends. Ouais, enfin. Qui ne ment pas vraiment? Je mens pas, mais je dis plus facilement non qu'avant. Donc on dit, tu veux venir ce soir? Non. Donc tu dis la vérité, du coup. Ah oui, au contraire, mais au sincère. Oui, voilà, avec l'âge où avant tu dis non, mais faut que je trouve une excuse un peu parce que j'ai pas trop envie ou j'hésite. Donc je dis, oh non, c'est gentil, pas envie quoi. Donc oui, je mens de moins en moins. T'es entier, et j'ai en de fait. Moins en moins d'amis grâce à ça. Oui, bah, bienvenue dans ma vie. Toi, Cécile? Moi, en fait, il faut pas insister. D'accord. C'est-à-dire que si par exemple tu me demandes, t'as pensé quoi de, je sais pas, ma dernière vidéo, j'en sais rien, je vais te dire non. mais vraiment. Non, mais vraiment, j'ai besoin de ton avis, Cécile. Écoute, c'est vraiment une fiente séchée. Tu es là. D'un coup, j'ai plus aucun self-control. C'est soit tout, soit rien. Soit je suis vraiment d'une diplomatie. Étourdissante, soit vraiment je t'éclate la tronche. J'ai jamais eu aucune juste mesure, et c'est pareil un peu dans tout. Quand j'ose pas dire que j'ai été blessée, je suis capable d'encaisser beaucoup de choses. En revanche, à partir du moment où les vannes sont ouvertes, ouais, c'est. Tu exploses. C'est. Ouais, voilà. Tu m'as dit que c'était pareil. Donc, alors, c'est pas vraiment un rapport avec le mensonge. C'est pas vraiment. Mais si, en fait, si, ça peut être pas le mensonge, mais comment dire. Si, mais tu t'arranges. En fait, je m'arrange. Mais est-ce que tu sinon, le fais bien mentir. Est-ce que parce que là, quand tu le joues, on a l'impression que tu le fais mal de début. Mais si, t'arrives quand même à faire. Oh, si, c'est bien. C'est non, bien. Si j'aime la personne et que je sens que c'est bien pour elle et enfin que c'est bien pour elle. Que c'est pas le moment par exemple de faire même une critique constructive parce que parfois c'est même pas le moment pour critiques constructives, tu peux péter la personne avec la meilleure critique du monde qui va lui rendre service avec des guillemets. Donc parfois il faut juste aussi savoir dire c'est vachement bien, je suis trop contente que tu t'affirmes. Ouais. Voilà. Ouais, parce que moi j'ai beaucoup menti et je me rends compte que de quel c'est-à-dire. Moi c'est plutôt des petits mensonges qui m'arrangent. Genre ouais, mais ça j'ai pas pu, je faisais ça. Alors moi je commence ça récemment. c'est assez mal. Récent parce qu'avant je disais oui tout le temps et du coup j'étais vraiment très fatiguée. Et maintenant effectivement j'ai de moins en moins d'amis, pareil. Ouais. Mais je mens plus, j'ose pas trop dire non franchement, mais oui. Ouais. Ah là, oh là là, fou, ouais. Je peux pas. Non, mais c'est quand même très pratique de mentir, on va pas. Oui. On va pas mentir. Je sais pas si c'est dans tes comptes en fait. Bah, je suis vraiment un salaud. Ouais. Pardon, mais alors tu me fais penser à un truc. C'est que moi j'ai tendance à me surjustifier, pas en mentant, hein, mais si je dois dire non à quelqu'un, je dis parce que en fait, oui. C'est qu'à tel endroit je vais. Et au bout d'un moment, je sens que la personne est là, genre waouh, mais je t'ai pas du tout demandé tout ça. Et je comprends pas pourquoi j'ai ce buzz, c'est insupportable. Et tu veux qu'on t'aime, c'est tout. C'est horrible. Ouais, malheureusement, je crois. Il y a de ça, mais du coup, on me déteste. Non, mais je pense que c'est irritant comme. Non, la surjustification, je te suis à fond. Hein et moi, s'excuser pour tout aussi. Ça, je dis le pardon. Mais en plus, ce qui est nul, parce que ça veut pas dire que t'es désolé, c'est juste un espèce d'automatisme. Totalement. De pardon. C'est-à-dire que t'es un lâche et que t'as peur. Moi, quand on me marche sur, on marche sur le pied, je dis pardon. Ouais, vraiment. Ouais. C'est ça, c'est vraiment. C'est une bande de lâches. Mais je crois pas que je suis lâche. Hein, mais... moi, j'ai un truc, c'est. Parce que ce truc de. T'sais, tu sais, quand t'oses pas dire non et tout ça, et j'ai l'impression, moi, de le faire. Mais de faire ça involontairement alors que j'ai envie. Tu vois, genre quand quelqu'un me dit, hey, mais franchement, passe quand tu veux pour nous boire un coup et tout. Et je fais, ouais, grave, mais parce que j'ai vraiment envie. Mais j'ai l'impression que si t'écris, ouais, grave, les gens se disent, ouais, ok, c'est on connaît, ouais, grave, ça veut dire, j'ai pas du tout envie, tu vois. Parce qu'après, les gens me reproposent jamais, tu vois. Et donc je me dis, merde, est-ce que faut que je trouve une autre façon de manifester mon enthousiasme, parce que moi je dis mais ouais carrément, et on a déjà eu, tu sais, des quand tu te réponds ouais carrément à quelqu'un et qui fait ouais, ok, l'autre il dit ouais carrément, super. Oui, si enthousiaste. Et donc j'ai peur que des fois mes réponses sincères, donc si je non je vais pas dire ça parce que peut-être que aussi je l'ai dit et j'avais pas du tout envie de voir, donc Mais oui, mais t'es complexe comme gars. Oui, voilà, c'est voilà, ça, voilà. Ça dépend des jours, quoi. Voilà, t'es un mec qui a t'as plusieurs couches. C'est ça aussi qui fait. Bah voilà, mais en fait, là, je parle par écrit, en fait, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que des fois, j'écris, bah ouais, carrément. Et les gens doivent se. Je me dis peut-être que les gens se disent, oh ouais, bon, il a pas du tout envie. Il me fait mais la réponse. Tu dégages type, une vibe, peut-être, aussi, où les gens se disent de base, il a pas envie. Chie-moi dessus. J'enlève mon sweat juste parce que je l'ai passé à vapeur, là. Il est tout nickel, mais le. Je peux chier sur le t-shirt en dessous. Oh, passé à la vapeur, j'ai découvert ça récemment. Bah oui, oui, incroyable. C'est quoi? Repasser. Non, pas repasser. Et la même si on met des vêtements après, ils sont propres. Comment ça s'appelle là, le truc? Le tambour. Tu sais, le papier quand t'achètes de fait de s'essuyer le cul après. Oui, il a découvert ça, il adore. Alors, ça, moi, je connais pas encore. Oui, mais en plus, il faut payer apparemment, donc c'est relou. À part s'il y a Cécile, il faut avoir Cécile sous le coude. On a trois rouleaux dans le sac. Non, mais parce que moi, je repassais mes fringues étudiants avec une table à repasser et un truc. Ensuite, j'ai eu la flemme de faire ça en me disant, mais en fait, moi, je m'en fous. Juste les gens me jugeront. Donc j'ai arrêté de repasser mes fringues. Oui, je te suis. Voilà. Et ma meuf a acheté un. Comment ça steamer. S'appelle un steamer. Et bah, mon et mec ça, a acheté un steamer récemment, pareil, puisque je repasse jamais. C'est ça. Lui repasse énormément. Parfois il me dit, veux-tu que je repasse des choses? Et je suis là, bah écoute, mon con, tiens, évidemment. Je comprends pas. Genre mais le steamer, je peux le faire. J'avoue que même quand t'es débile, tu peux. Ça passe, et j'ai même quoi. Le petit plaisir de. Oh, c'est vrai que c'est assez. C'est tout satisfaisant. Je t'ai fait mal ce mot, mais non, ça marche bien. J'en ai acheté un qui marchait pas du tout. Alors, peut-être que tu l'utilises mal. J'ai te mettre une droite, t'es dit. Pardon, c'est normal. J'étais en train de me rendre fou de rage, en fait. Non, mais attends, vous steamez et après vous pliez. Non, moi je mets direct. Comme ça, c'est chaud en plus. D'accord, moi je fais. Tu prends pas de l'avance. Toi, tu parlais de prendre de l'avance, genre steamer tout ça. Parce que si tu lui donnes un tas de trucs à steamer, ça veut dire qu'après vous les pliez, vous les rangez. Non? Il les plie, il les range. Ah ouais, c'est vraiment rude. Je trouve que ça a quand même vachement évolué le podcast. Vous parlez de... par rapport à il y a 7 ans, on parlait de ça il y a 7 ans. Mais on peut reparler de. Regarde. Non, mais attends, et en plus. Je préfère qu'on parle de Steam. Les steamers, en plus, ça tue les punaises de lit. Quoi? Bah, la plus vapeur. Que le... Bah, la vapeur. Bah, c'est pareil. C'est de la vapeur. Mais c'est vrai que c'est très agréable. C'est le petit steamer là, tu es pas dit tes chaussures, si t'as peur et tout, tu hop, un petit coup de steamer, t'es tranquille. Bah, je sais pas, j'ai acheté une merde, il marche pas. Moi, je l'ai mis pendant 10 minutes, tu passes devant. Mais t'as mis de l'eau? Faut le brancher. J'ai mis bon, je suis handicapé mental en fait. pas trop loin de moi, je vais faire dans une autre pièce, pas branché, sans eau, ça marchait pas. Je vous le dis. Donc ça vient peut-être de moi, mais je pense pas. C'est tout. Une auto-école japonaise propose des cours un peu particuliers, à votre avis, lesquels? Ouh là là. Ah, oui. De conduite, pas alors, si particulier. Non, c'est de conduite. C'est banal. Mais il y a un petit truc en plus. Ah, déguisé. Attends. Pas déguisé. Les yeux bandés. Pas les yeux bandés. Pardon, bourré. Cécile. Très bonne réponse de Cécile Marc. Oh. Oui. Des cours sous emprise de l'alcool. Bah voilà, là je veux bien passer mon permis. Voilà, tu testes. T'as pas le permis? Non. Non. T'as grandi. C'est souvent la question qui suit. J'ai acheté une place de parking quand je vivais en Belgique, qui m'a endettée. Bref, je me suis très mal. C'est incroyable. Peut-être pour un autre moment. Non, c'est terrible cette histoire. Mais j'ai jamais passé mon permis. Après, si tu il considères comme un obstacle de pas pouvoir conduire bourré, c'est peut-être pas plus mal. Oui, c'est vrai. Si tu peux me permettre. Il y a de mais, ça. Mais t'avais envie de conduire quand même, parce que si t'as acheté une place de parking, il y avait. Non. Une... T'avais envie de te garer. Enfin, c'est pas très compliqué, mais j'ai hérité d'une somme à un moment dans ma vie. D'accord. Et comme j'avais 23 ans, je me suis dit, oulala. Bon, c'était 30 000 euros et je me dis 30 000 euros, ça fait beaucoup de bouteilles de chardonnay, ça fait pas beaucoup en termes d'immobilier, que faire? Oui. Et j'ai une pote qui me dit, tu devrais acheter une place de parking, c'est un super investissement. On se connaît pas très bien, mais je suis pas, et je suis pas, l'investissement, c'est même pas un truc que je comprends intellectuellement, vraiment pas du tout. Et j'ai dit, ouais, mais effectivement, comme ça, je suis sûre de pas le dépenser. J'ai visité un parking et j'ai dit au gars, il est sûrement très bien. Je l'ai acheté. J'ai jamais réussi à le place, louer, une place un emplacement. Je l'ai loué une fois, et après j'ai essayé d'augmenter en disant au gars, non, en fait, ce sera 150 euros. Il m'a dit, mais pas du tout, c'est une grosse merde ton truc. Je l'ai plus jamais reloué, j'ai fait un déni, j'ai jamais payé les charges qui étaient très chères pour un parking. Je me suis fait, entre temps, je suis revenue vivre en France, je me suis fait rattraper par la justice, mais très énervé, Interpol, plaquage et tout, ils sont venus chez moi. Et. J'ai donc acheté ce parking, mon Dieu, 30 000 euros. C'est la seule fois de ma vie, je pense, où j'aurais pu avoir la chance de toucher une telle somme. Et ben, vous savez combien j'ai récupéré? Parce qu'entre-temps, il a fallu payer des avocats et tout ça. J'ai récupéré 2 800 euros. Oh, ben j'ai fait un investissement, j'ai perdu de l'argent. Bref, tout ce qui est... T'as une formation en ligne que tu donnes? Oulala. On peut retrouver ça quelque part. Jamais j'investis dans rien. C'est fini. Oui, donc, je te conseille voilà. de... Oui, c'est non. bien. C'est non, bien la faire. Conduite, je m'arrête au vélo. Non, non, mais si, il faut que je passe le permis cette année. Non, mais après, ça dépend d'où t'as grandi. C'est... On en a déjà parlé ici, mais voilà, moi, j'étais au fin fond de la campagne. T'es obligé un peu de passer ton permis. Donc, voilà, toi, si t'avais pas la... Non, j'ai grandi à Paris. Oui, c'est ça. Après, c'est pas... Une excuse, forcément, j'ai plein de potes qui ont grandi à Paris et qui ont quand même un permis. Je me dis 32 ans, là, c'est ridicule. Et en plus, j'ai peur que ce... Je crois que c'est de plus en plus compliqué. Plus tard, tu passes ton permis, peut-être. Plus t'es... vieux. Ah oui, avant que t'es casse-cou quand t'as 18 ans, t'es une tête brûlée. Exactement. Oui, mais maintenant, il y a le permis voiture automatique. Ouais, il paraît. Oui, ça, j'étais surpris parce que... Et c'est deux permis différents. Bah, je vois que t'es surpris. Mais regarde mes sourcils. Ils touchent tes cheveux. Je vais mettre mes poings sur mes hanches parce que je suis vraiment... Je suis comme deux ronds de flanc. Non, mais parce que j'ai une scène de voiture avec un ado dans mon film et il avait le permis, mais automatique. Et donc, on a dû faire branle-bas le combat et trouver une voiture automatique. Il est fort parce que tu vois... Tease par petites touches son film. À chaque fois, il y a une voiture et un ado dedans. Une voiture automatique. Prenez vos places. Hein, c'est... Alors là, ça arrive lourd. Ça sort quand Au avril. Avril 2024. Ah, ça y est, tu l'annonces. C'est demain. Hein. Non, mais c'est dans ces eaux-là. Ouais, je l'annonce comme ça. Si vous googlisez, vous trouvez sur internet. Ah, oui, d'accord. Non, okay. j'ai pas leaké. Donc, oui, l'auto-école japonaise, effectivement, elle est venue. C'est à Shikyushino. Et c'était le 21 août dernier. Alors, c'était une journée spéciale. Hein. C'était pas non plus un truc de. Oui, voilà, on gratte un peu. C'est les mêmes qui ont fait le truc avec les vigiles qui courent vite. La même agence. Bravo, les gars. Les habitants désireux de tenter l'expérience ont donc dû consommer de l'alcool jusqu'au seuil autorisé, soit 0,15 mg au Japon. D'accord. C'est une bière, quoi. C'est oui, pas mais justement, il a alors bu, il s'est fait accompagner par un journaliste qui a bu, il s'est fait accompagner de son collègue âgé de 29 ans qui lui restait sobre avant de pouvoir voir les résultats, voilà, de l'expérience, lui qui était lucide. Et pour qu'il y ait des 500 de l'école au volant, les participants ont dû réaliser 3 épreuves. Un slalom, avec évitement d'obstacles, une longue courbe en S et un parcours avec des virages très serrés. Il n'aura fallu au conducteur arrive que quelques minutes pour dévier de sa trajectoire, augmenter le temps de ses réflexes, apercevoir que même avec un tour raisonnable, l'alcool et la conduite ne sont pas compatibles. C'est beau. Voilà, magnifique. Très beau. Ils ont eu besoin de le retester, ce truc-là. C'était un moment. C'est... Ben... Mais tu sais que moi, quand j'étais ado, il y avait un truc là-dessus et c'était très mal foutu. Et ils nous avaient mis dans une voiture où tu pouvais tester les effets d'un accident de voiture et qui tournait sur soi-même. Oui, mais quand t'as 17 ans, tu dis, bon, trop marrant. Parce que, en fait, tous les lycéens faisaient le truc, mais pas du tout pour les bonnes conditions. Oui, parce qu'en fait, on faisait le grand 8, quoi. C'est ça, on faisait un manège, quoi. C'était bon, bref. Très mal. Et après, tu l'as fait gratuit. Pour de vrai, oui. Oui, c'est vrai. Quoi, non, mais c'est vrai, en plus, j'ai fait 3 tonneaux en voiture. Bah oui. Ouais, oui. Mais, plus de peur que de mal, bien sûr. Vous avez tous le permis, là, donc. Ouais, ouais, ouais. Mais t'es super, et on sait, t'es avec nous quand même, hein. Franchement, on te parle et tout. Après, moi, à l'entre-deux-guerres, t'étais obligé. T'étais enrôlé dans l'armée de force et ils te forçaient à passer le permis. Mais toi, tu passais même un permis vélo parce que celui de devant avait une très grande roue. Toute petite. Le site américain BuzzFeed a réuni des sondages récents sur les attitudes de connards. Alors, qu'est-ce qu'on dit, attitude de connard? Je vous donne quelques exemples. Enfin, je vous demande de deviner, pardon, quelques exemples. Par exemple, au supermarché, 56% ont avoué qu'ils avaient un comportement de connard. À votre avis, lequel? Quand tu vas pas reposer un objet dans le rayon, tu le mets n'importe où. Il est fort. Il est magnifique. Oh. Et tu te doutes bien que ça me rend fou. Bah bien sûr. Très fort de ne pas ranger le produit effectivement quand tu n'en veux plus. Exactement. Mais alors, plus surprenant, à la caisse, que font 7% des gens? Ils volent de la litière. sachant que c'est des gens qui, comme d'habitude, avouent. Donc ça peut être des plus grands chiffres. Là, c'est quelqu'un, on leur pose la question, il fait bah oui, c'est vrai que je fais ça, j'ai ce comportement. Alors, de connard. À la caisse. Là, ça se passe à la caisse. Ils mettent pas le petit séparateur. Ça va. Mmh, ça t'agace. Ah, ça m'énerve. Le petit client suivant. Pas grand-chose. Moi, ce qui m'énerve, c'est la personne qui le met genre. Excusez-moi, c'est quand même. On va pas mélanger nos courses. Je suis là, bah oui, non, mais j'ai pas envie de la prendre, ta merde. Attention, là, il t'aurait dénoncé pour la litière. C'est pour faciliter le travail de la caissière. De la dame. Vois, parce que je me doute bien que, de toute façon, ça va être payé, donc personne. Non, j'avais pas vu le truc. J'avais emmerdé, là, je vais payer son truc. Mais ça me ferait rire qu'elle le prenne mal. Genre, attends, d'où je bois du coca, là. Ça va, oh là, vous m'avez regardé, oh. Non, mais attends. De dire bonjour avant que la caissière dise bonjour. Parce qu'il faut arriver à pile devant. Ça va. Ici, son téléphone, il raccroche pas. Oh, il est très bon. Ça, c'est vrai, je déteste. Ah oui, ça c'est dur. Moi, à une époque, je le fais plus. Je mettais pause, mais je gardais le casque. Donc ça c'était quand même un peu connard. Tu gardais le casque de moto. Ouais. Vraiment bizarre en casque. J'étais un Daft Punk à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais j'ai oui, je gardais le casque, je prenais pas le, tu vois, le réflexe. Mais moi le truc de... c'est que j'ai les AirPods où il y a le mode transparence, donc en fait t'entends tout, énervant mais aussi. Ouais. Bah le truc c'est que en théorie ça devrait pas être énervant parce mais que t'entends parfaitement, ouais. Mais du coup, je me dis s'ils sont pas au courant de la tech, ils vont croire que je leur manque de respect, et donc j'enlève un, tu vois, pour... Ça marche aussi avec mes écouteurs que j'ai acheté chez Franprix, hein. C'est vraiment la, pas la tech de ouf non plus, quoi. C'est juste une énorme tech. Non, non, mais parce que les AirPods, en fait, ils enregistrent et ils te... Oui, oui, moi c'est juste mal isolé, j'entends, quoi. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ça marche aussi, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Mais par contre, je sais pas ce qui m'énerve le plus entre les gens qui restent au téléphone ou maintenant les petites affiches parfois dans les boulangeries. Pour pas déranger les gens qui sont au téléphone, on les servira pas tant qu'ils ont pas raccroché. Oui, bon, c'est un peu énervant aussi de dire ça. Ouais, oui, il y a des trucs un petit peu mesquin. Ah oui, oui. Je suis d'accord sur le principe, mais j'aime pas cette petite affiche. Je suis d'accord. Oui, oui. Oh, je. il en a. Ouais. Il y en a une chez moi, donc. Il y a des affiches partout chez moi. Bizarrement, personne ne vient. Ne vient. Ne souhaite me voir. Dans le métro, 12% des gens. Ah bah oui. Bah les gens ils montent sans laisser descendre. Ah non, non plus. Ça, plus ça bon. Mais ça, ça... ils se lèvent pas alors que le wagon est plein. Pas mal aussi, ouais. Mais c'est pas ça, c'est encore pire que ça. Ils pètent. Ne cèdent pas leur place au. Non. Attends. Ça, alors ça, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait laisser votre place à une personne âgée? Parce que la dernière fois, j'étais dans le métro et il y avait une dame qui avait l'air un peu vieille, mais pas maxi vieille, mais un peu vieille. Maxi vieille. Et je savais pas. C'est un super héros, non? Et je savais pas si. Et donc je lui ai dit, vous voulez vous asseoir? Et elle, pas mal pris, mais elle a fait, non. Et je me suis dit, ah, peut-être j'ai un peu titillé. Alors, j'ai une technique pour toi. Au pire, si jamais tu te dis, c'est soit je passe pour un énorme connard, soit je passe pour quelqu'un d'indélicat, c'est à la demi-cantonade. Quelqu'un veut s'asseoir et tu insistes un peu sur la personne. Mais tu passes pour une personne bizarre. Quand même. Voilà. Parce oui, que moi, quelqu'un veut s'asseoir, je fais quoi? Sur mes genoux, si vous voulez. Non, après, on peut sortir un petit accordéon pour le faire en chanson. Non, parce que sinon, j'allais dire, moi, c'est quand les vieux ou les vieilles hein, sont mignonnes ou mignons. Et ils sont mignonnes ou mignons que quand ils sont vraiment très très vieux. Tu vois, et là j'ai un peu envie de dire vous voulez vous asseoir, et souvent ils font non et je suis là cool, tant mieux. Bah moi ce que je fais, c'est que de rester debout. Bah moi ce que je fais, c'est que je me lève sans rien dire, et puis bah si elle veut prendre la place, ça elle la c'est prend, la classe. Ah, mais c'est ça la technique. Bien, ouais, ah, je me lève, voilà. Et mais si c'est quelqu'un de plus jeune qui la prend, t'es pas vénère? Genre un jeune à casquette, ouais, ouais, une enceinte Bluetooth. Décité. Ah, ils écoutent leur musique sans écouteurs, c'est pas non, ça le truc. Pas ça. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas ça. Bien bon. Ça arrive de moins en moins. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Dans le métro. Pas sûr. Peut-être qu'on prend juste plus le métro aussi. Ça c'est possible. Parce que ça arrive pas mal maintenant pour des gens qui regardent des vidéos même. Exactement. Oui. C'est ce que j'allais dire. Non mais toi et moi quand même. Ah, une fois au téléphone. Cette soirée c'est pour toi et moi. Ne me laisse pas. Non mais attends, on a dit plein de trucs là. C'est dans le wagon. Ah, c'est pire. Ah, il fume. Non, il fume pas. Non. Il vapote. Non. Il se pique entre les orteils pour pas qu'on voit qu'il a une addiction à la drogue qui détruit tout dans leur vie. Putain, non. Très bonne réponse. C'est ça, ouais. Il pue. Non. Ça se fait. Non, bon, il pue ça malheureusement. Il touche la. Non. Non, moi j'aurais dit. Ça m'énerve beaucoup ceux qui font ça. C'est ceux quand il y a du monde qui posent leur dos à la barre, ils posent leur dos. Ah ça, moi. Ah, des fois ils enlèvent pas leur sac à dos. Non. Ah non, c'est pas ça. Ah ça, mettre un. Ah oui, tu veux dire mettre son sac à dos à une place. Ça, et... ouais. Même être. Ah j'ai eu ça en venant là. Ouais. Un sup. Non, le mec il a pas enlevé son sac. Moi j'étais adossé aux portes, debout quoi. Et le mec il s'est mis à côté de moi, mais comme il voulait pas s'adosser parce qu'il avait un sac à dos, il s'est mis de côté, donc il prenait la place de trois personnes. Il y avait son sac qui tapait. Et tu sais, je faisais un peu un truc. Je lui ai pas mis un coup de coude, mais tu sais, je faisais genre tu pousses, petite résistante, genre. Et je voyais qu'il faisait des petits regards, genre, mais quoi? Oui, bah. En tout cas, c'est le podcast des gens cool. En tout cas. Mais on est des gens qui. Très détendus ici. Non, les gens qui s'adossent sur la barre. Ça empire, oh là là. C'est pas ça. Moi, je mets le point, point sur la barre. Oui, ah, moi aussi. Le point. Et ils s'en branlent. Et moi, je suis vénère, mais il se passe rien. Il y a rien qui se passe. Et ils s'en vont. Moi, une fois, j'ai quand même fait un petit coup. Bah, la personne, elle s'est vraiment adossée sur. Ah, ta main était déjà là. Oui. Ah, donc, oui. J'ai vraiment fait un petit plouf. Elle fait, oh, pardon. Bah, oui. Ça, moi, ça arrive, ça dépend vraiment de la personne, quoi. Si elle est plus faible que moi, je le sais. Exactement. Oui. Alors, c'est évidemment. Précision qui n'était pas obligatoire. J'ai perdu du temps à tout le monde. légende. Pas risqué mon entrée décrétée physique pour ça. Non, voilà, le mec se retourne énervé. Je dis pardon, mais je m'excuse. La victoire la plus pathétique de ma vie, mais comme toutes mes victoires. Hein. C'est ça. Une fois, une vieille est montée en même temps que je descendais. Je l'ai bousculée, je l'ai mis nique ta race, la vieille. Alors énervé. Alors que j'aurais jamais fait ça devant un mec balèze. Non, bah jamais. Même énervé, j'aurais fait sur moi. J'aurais rongé mon frein. Alors, putain, un truc que les gens font dans le wagon. Dans le métro, c'est quand le métro s'arrête. À la station, les portes s'ouvrent. Ils restent devant les portes pour empêcher les autres de descendre. Non, ça m'en fout. Ah, si, mais tu ne descends pas. Oui, ils descendent pas alors que c'est blindé. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes hein. en train de. Il ouais. n'y a pas tout ça dans le métro. Il y a beaucoup. Il y a aussi les gens qui la station d'avant. Ça, c'est aussi au TGV. Se préparent ouais. et vraiment se collent à la porte pour que quand elle s'ouvre, ils soient les premiers à sortir. Ça les emmerde eux à la limite. Ah non, non. Quand il y a du monde, il faut filer. Oui, c'est vrai. Et ceux qui sentent très bien que toi aussi tu vas descendre. Oui. Ça. Qui te mettent la pression. Mais tu vois bien, je me lève, t'es derrière moi, putain, on va descendre ensemble. C'est vrai. Mais ça, moi, j'ose maintenant, je fais. Ah oui, moi ça aussi. Non mais je descends là. Non mais je descends là. Et une autre, t'es devenu fou, toi. Tu oses faire ça. Quand je dis ça, j'ai le poing serré. Alors quand les portes. En fait, on a dit des meilleurs trucs. Quoi, ils bousculent, quoi. Ils poussent pour rentrer. C'est-à-dire que quand le métro est un peu blindé. Ah oui. Quand le métro est un peu blindé. Tassent, quoi. Alors, attention. Parce que les gens, ils se tassent pas vers exactement. Le fond. Exactement. Ça, c'est ça, ça me rend ça, c'est colère. Ça, c'est et horrible. Là, moi, je pousse, hein. Pardon. Mais... Bien sûr. Non. C'est moi, je pousse. Non, mais quand tu rentres dans un métro, t'es serré contre trois personnes et que tu regardes de l'autre côté bien et sûr. Qu'ils sont genre tu vas bien ici on a de la place tu fais mais même dans les couloirs quoi, dans les couloirs il y a de la place, il y a deux personnes qui peuvent se mettre dans le couloir, personne s'y met super. Personne se met dans les couloirs le métro londonien est très bien fait pour ça. Je sais pas comment ils font, est-ce qu'il y a plus de trains ou pas, mais les gens se mettent vraiment tout le long des trucs et t'es rarement serré. Oui, mais parce que le métro londonien, c'est il y a de l'espace entre les rangées de c'est ça, sièges, c'est donc ça, tu c'est peux y être tranquille quoi. C'est bien foutu, t'avoueras que c'est bien foutu, c'est mieux, bah c'est mieux. Et alors là, le chiffre me paraît énorme. Dans l'ascenseur, 45% pète. Non, alors il y a pas de. Il y a personne qui pète ici. Ils n'entendent pas que moi. Quand ils voient quelqu'un qui arrive, ils bloquent pas l'ascenseur pour. Exactement, ils ne tiennent pas à la porte. Ah, et ça, même... je. Ouais. Non, attention. Hein. J'avoue. Oui. Attention que moi quand. Oui. Ouais. Parce que c'est long parfois. Hein. Moi, et attention. Moi ce que. Oui. 10% appuie carrément sur le petit bouton des portes qui se ferment. Ouais. Et 5% fait un doigt d'honneur et crache à la gueule. Là, c'est vraiment des gens méchants après. Non, bah, si la personne elle est là, elle est en train d'arriver, et je l'attends évidemment. Mais quand je rentre chez moi, il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en train de checker sa boîte aux lettres, et je me dis, bon, je l'attends pas évidemment. Ouais, pareil, je peux appuyer sur le bouton. Ah non, moi j'applique pas. Alors là pour le coup, ça je fais pas. Oh, si. Moi ce que j'aime bien faire par contre, c'est quand tu tiens la porte dans le métro, tout comme ça. C'est de la tenir à des gens qui sont loin derrière. Et comme ça, ils ont un petit sprint. Oui, bien sûr, tu les forces à courir. Juste un petit peu, ça dit que attends, je la tiens, je la regarde. Mmh. Tu viens ou pas? Tu viens? Ça, et tu la lâches au dernier moment, évidemment. Et, ça, évidemment. Et moi, avec l'ascenseur, ce que je fais, par contre, c'est que je promène ma chienne et je vais pour rentrer chez moi et je vois qu'il y a quelqu'un qui va aller prendre l'ascenseur. Je refais un petit tour parce que j'ai pas envie de prendre l'ascenseur avec lui. Mais vraiment un petit tour de 5 mètres. Oui, quoi. Oui, oui. J'attends un peu et après je tout à fait pour cette école. Mais je prends les escaliers très facilement dès que je vois des gens. Je suis très mal à l'aise avec des gens. Oui, voilà. Non, moi des fois je fais un truc un peu potentiellement de super-héros, hein, je vous le dis. Une fois que je prends l'ascenseur pour aller à mon étage, j'appuie sur le 0 avant de sortir et comme ça l'ascenseur redescend en bas pour aller prendre le prochain. Bah, mais il n'est pas forcément quelqu'un qui est au 0 qui va prendre l'ascenseur. Et tu mets le doigt tout à fait sur le problème de mon truc. C'est un jour, donc j'appuie sur tous les boutons. Au cas où. Et un jour, je me suis dit ça. Moi, je faisais ça, je me disais, je suis stylé. Et effectivement, un jour, je me suis dit, bah, mais ça ne sert absolument à rien parce que potentiellement quelqu'un. Ah oui, mais la démarche est tellement émouvante. Non, il faut continuer de le faire. Non, mais émouvante dans. Mais vous savez que je suis la pathétique. Oui, oui, c'est touchant dans le côté. Il y a une belle attention. C'est stupide quoi. C'est un dessin d'enfant quoi. Mais je crois que c'est pour ça que c'est d'autant plus touchant. Oui, c'est ça. Mais c'est souvent comme ça que je gagne. C'est genre, on dirait c'est un pas petit noble, enfant, mais c'est touchant. Un petit enfant quoi. Débile. Ouais, ouais. Moi, c'est à vélo. Hein. Ah ouais, c'est une horrible. Immense pute. D'accord. J'allais dire. Ouais, l'inverse, je pense. Moi, j'allais dire, tout le monde t'énerve quand t'es à vélo. Mais alors, oui. Mais même les gens gentils. Des trucs fous. Je suis très énervée. Je suis outrée par le comportement. Ah oui, 99% des gens. On est d'accord. Oui, mais c'est. Vraiment, je suis de mauvaise foi parce que je fais la même chose généralement dans la foulée. Le truc qui vient de me mettre hors de moi, je l'exécute moi-même. C'est très étrange. Je suis une autre personne quand je suis à vélo. Mais vraiment. Non, mais. Complètement. Ouais. Je me transforme. Je comprends parce que. C'est un pouvoir magique un peu nul. Je shape-shift. On fera pas de Spider-Man dessus. Mais oui. Mais, Non, mais c'est vrai que quand t'es à vélo, tu dis, ah oh, putain, ils sont garés sur la piste cyclable, tout ça, c'est énervant. Et après, quand tu roules, tu dis, ah oh, putain, ils font siège à vélo quand t'es en bagnole. T'es énervé contre ça. Mais ça, c'est un peu le cercle du truc, quoi. quoi. Voilà, c'est ça. Quand t'es en voiture, les vélos t'énervent. Exactement. Quand t'es vélo, les piétons t'énervent. Quand t'es piéton, les voitures t'énervent. Mais je veux juste rien. Quand t'es en vélo, les vélos t'énervent aussi. Oui, oui, c'est sûr. Alors, vélo, c'est le pire. C'est vrai, c'est vrai. Vélo, c'est la pire situation à Paris. Que des ennemis. Personne te respecte. C'est-à-dire que vraiment, des fois, il y a un passage piéton qui est c'est rouge, c'est à toi de passer. Les piétons te voient arriver, ils font bon, je veux traverser, c'est un vélo. Bah non, non, en fait, je vais te percuter, on va faire mal. Respecte-moi. Vraiment, ils te voient arriver. Ils font bon, je veux traverser, c'est qu'un putain de vélo de merde. Bah non, non. C'est vrai. C'est très triste. Et moi, ce qui m'énerve beaucoup, les vélos, c'est ceux qui se. Je fais aussi du vélo dans Paris et il y a une avenue. Désolé, c'est très parisien, mais celle qui relie Châtelet à Strasbourg-Saint-Denis, ouais. C'est une espèce de grande avenue où c'est juste le comment dire, l'aller et le retour, enfin la double voie et sur une seule truc. Horrible. Et je la prends très souvent. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de vélos. Et là, ce qui me rend le fou dans ce truc-là, c'est au feu rouge, les vélos essaient d'être le plus proche possible du faux. Ce qui fait que t'as un tas de vélos énormes. Ouais. Et quand ça redémarre, tout le monde se prend les trucs et tout. C'est n'importe quoi. Non, et attends, il y a aussi ce truc. Ça, moi, ça peut me faire tellement vriller. Tu vas clairement plus vite que la personne qui est derrière toi. Tu le sais parce que tu l'as doublé. Tu vas plus vite qu'elle, c'est établi. Et puis pour une raison ou une autre, bon voilà, il y a un feu rouge, mettons, tu t'arrêtes. Et là, cette personne. Elle se met devant toi. Ah, Non, ça, moi, ça m'énerve. Mais t'as bien vu que je te mets une branlée phénoménale. Qu'est-ce que t'essaies de repasser devant j'ai moi. J'ai un électrique, t'en as oui, pas un. Oui, t'es vieille. Moi ça m'énerve à pied ça. À pied ça m'énerve. Donc les gens, tu sais, quand il y a un peu une espèce de bouchon de piéton et les gens ils jouent des coudes pour te doubler et après ils marchent à deux à l'heure. Bah non, je marche plus vite que toi. Je marche très très vite. C'est vrai. Et moi j'ai un petit bébé qui marche depuis 3 mois. Bon, très lentement, j'ai vu. Et j'ai honte. Et elle me fait honte de ça. Non mais tu sais, j'ai un truc genre elle avance pas et donc on est à Paris donc les gens sont un peu pressés et donc oui, bébé, mais ça va. Oui, bien sûr. Mais ça va, mais tu te sens quand même obligé. Mais tu peux lui mettre un petit. Une poussette. Non, mais tu sais, je suis obligé de l'orienter un peu parce que, bah, tu sais, là, pour en biais, quoi. Après, donc... c'est pas plus mal. Oui, c'est un bébé. Mais il est sur la voie. Mais tu sais, c'est vraiment genre, allez, vraiment, colle-toi, laisse passer, tu vois, laisse passer les gens. Dis-leur du tout. J'en fous, mais quand même. Mais non, les gens sont évidemment très gentils. Et ça, je découvre. Là, on a été très sur le dark. On est hack. Mais... Oui, mais après, on s'élève contre les incivilités. Donc, quelque part, on est des héros. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Mais incroyable à quel point un bébé réveille le sourire d'autrui, par contre. Sauf s'il pleure. Oui, évidemment. Oula, non. Oula, mais, oui. Mais dans Paris, là, je redécouvre les rues de Paris avec un bébé. Prends l'avion avec elle, tu vas voir les sourires que tu vas découvrir la haine. Et non, là, c'est vraiment des. Je l'ai raconté à Adrien hors antenne, mais la dernière fois, il y avait un fou dans Paris, comme il y en a souvent, ah oui, c'est vrai. Qui hurle et qui fait. Donc dès qu'il croise quelqu'un, enculé, salope. Dès qu'il croise quelqu'un, et là j'arrive avec ma fille, c'est bigard, non? Ouais. Tu vois, je mords les couilles. Tu vois le clodo là, je le suce. Ouais, il testait en 5 minutes. Et donc je suis avec ma fille, donc évidemment terrorisée de dire oh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire, etc. Et là, il fait oh, salut bébé. Et après, et devant la sourde après, salope. Ouais, bon allez, voilà. Donc, vraiment, c'est bigard. C'est vraiment lui. C'est... Si vous êtes pété de thunes, alors vous pouvez vous acheter une place de parking, mais pas que. Il sera bientôt possible d'acquérir un château avec comme prix de départ 700 000 euros. Mais quelle est la particularité de ce château? Il est hanté. Non, enfin, toi, il n'est pas hanté. Il n'est pas hanté. Il appartient à Yves mais Lecoq. Mais quelqu'un est mort. Parce qu'il vendait des châteaux, j'ai oui, vu l'info. C'est un fou de château, Yves Lecoq. Oui, il n'y a plus trop de thunes, donc il vend des châteaux. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Okay. C'est pas quelqu'un qui est mort dans une des pièces? Non. C'est ça, pas... ça fait pas mal baisser. Mais c'est un château connu. J'allais dire, il a été utilisé dans un tournage. Tout à fait. Oh. Ah mais il faut trouver le film. Ah. Harry Potter. Non mais est-ce que c'est même un film? Ah une c'est série un... Ah. Un château. Une pub. Ah une pub. Oh, le château de la Starac. Très ah bonne oui, réponse. Bravo. Attends, 700 000. Alors pas prix si de départ. C'est pas super cher. Prix de départ. Ah, attention. Le château de Damary-les-Lys. Un château, une maison de gardien, des dépendances et une serre seront vendus aux enchères le 2 novembre à 14h au tribunal judiciaire de Melun. Et si vous êtes intéressé, sachez qu'une visite est programmée le 25 octobre de 14h à 15h. Cette vente survient deux jours avant le lancement officiel de la prochaine Star Academy. Bah oui. Alors les gens pourraient dire, mais c'est pas là-bas. Qu'est-ce qui se passe du coup, ils ont changé de château ? Non, parce qu'en fait, tu peux directement le louer et te faire de la thune. Non, ils le font quand même au château. Mais les locataires. Ça sent le bourbier quand même, cette histoire. Les locataires tu l'achètes, mais t'es obligé de le louer à la prod, quoi. Non, l'actuel propriétaire explique les locataires ont signé pour un bail de 9 ans avec le CSI Château des Vives Eaux. Donc en fait, c'est dans le contrat, quoi. C'est-à-dire que t'achètes le château, mais tu sais que TF1 vient faire un tournage pour la Starac à tel, de tel moment et à tel moment. Prestige mauvais, mauvais plan pour moi. Ouais, c'est clair. Ah, tu te retrouves avec Jean Pascal dans ton jardin. Ah ouais, c'est un bordel. Donc ouais. T'as pas regardé, non? Ouais. T'as pas vu la dernière saison? Vous n'étiez pas là. Ben alors, qui a gagné la dernière Starac? Loana. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, je sais qu'il était en finale, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ah, tu sais qui était en... J'ai regardé Enola ou Enora. Ah ouais. Et Rona. Bah, ah, je sais pas vraiment qui est en finale, visiblement. Mais tu regardais la Starac? J'ai regardé un peu parce que je sais pas d'ailleurs pourquoi. Ouais. Non, mais quand t'étais jeune, quand c'était au summum. Oui, bah des années. C'était en 2000. Quand t'étais à ton prime. Ouais, les premières saisons parce que c'était une curiosité. J'avais 14 ans, c'était incroyable. Pile dedans. Et en plus, c'était en Seine-et-Marne, là où j'habitais, donc une fierté. Toi, tu suivais un peu, Cécile? Pas des masses. Je crois que la première saison, j'ai regardouillé, mais c'était pas. Je préférais Popstar. Mais c'est ça. Ouais, parce que là, bien. Pour le coup, c'était vraiment. Des link-up. De la chanson, quoi. Et les premières nouvelles stars, les toutes premières. Ah oui, quand c'était encore à la recherche. Recherche de la nouvelle star. Bien sûr. Mais Popstar. Non, mais en fait, celui des L5 surtout, parce qu'après c'était horrible, les pauvres, il y avait les Watford et tout. Les link-up, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Ouais, toi, Adrien? Non, j'ai pas regardé. T'as jamais suivi ça? Non, pas du tout. Musicales. Non, la musique, non, c'est pas. Non, non. Alors, tout ce qui est divertissant me révulse en fait. Tout ce qui pourrait m'apporter de la joie. Je sourire non plus. Je slalom comme un japonais bourré dans une auto-école. T'es un peu le Luc Alphand de la gaieté. Dès qu'il y a des trucs un peu sympas. Alors, ça va peut-être un peu plus te parler. Une société pharmaceutique. Une sorcière. Une société pharmaceutique canadienne vient de débuter un essai clinique sur l'homme pour un vaccin qui soignerait un mal qui touche une personne sur 10 la dans le dépression. Monde. Dépression. Non, et non. Je sais pas, t'as dit ça pourrait être dans ma tête. Mais non. Une personne sur 10. Ouais. L'eczéma. Pas l'eczéma. Il y a un rapport direct avec Adrien ou pas? Il y en a un. Bah, faut le connaître bien. Je pense pas que Cécile l'aura comme ça. T'es pas juste en train de dévoiler un truc extrêmement intime sur moi. Les hémorroïdes. Avoir trois couilles. Non, pas du tout. L'herpès du trou de balle, c'est ça. Peut-être j'aurais préféré que tu le dises pas. Éjaculer du pu, attends, je crois. Pardon. On n'est pas si intime avec Adrien, on se parle pas de ces choses-là. Enfin, non. On parle en podcast de ça. Ouais, non, alors attends. C'est une maladie, donc c'est un truc corporel. Mais attends, tu m'as avantagé du coup là. Parce que non, c'est un truc. Non, c'est pas un truc. C'est un truc qui touche plein de gens. Hein. Je vous le dis, une personne sur 10. Donc c'est sale. Ah, l'allergie au chat. L'allergie au chat. Peut-être un candidat vaccin, on appelle ça, je savais même pas qu'on appelait ça comme ça, baptisé ANG101, est basé sur le développement d'une bioparticule qui imite la forme et la taille d'un virus et dont la surface est recouverte de milliers de copies de l'allergène majeur du chat, la protéine Feldin. Je vous le dis. Laura. Allez, bien joué. Les premiers patients ont été recrutés au Royal Brompton Hospital de Londres, une très forte production d'anticorps capable de bloquer la réaction allergique. C'est ça qu'essaye de créer le cofondateur d'Angani, Loïc. Voilà. Ouais. Ça arrivé quand toi, pour toi, l'allergie au chat? Ben, je sais pas exactement parce qu'en fait. T'avais pas de chat chez toi, si? Quand j'étais petit, si, ouais. j'ai eu un chat, mais j'avais pas l'impression d'être. Enfin, cela dit, j'étais asthmatique quand j'étais petit, et après je l'étais plus. En fait, peut-être que ça a coïncidé vraiment au moment où j'avais plus de chat. Mes parents étaient très attentifs à mon bien-être. Non, mais en fait, pendant très longtemps, je faisais pas le rapprochement où tu sais, j'étais chez des gens, ils disaient putain, mais c'est bizarre, j'ai les yeux qui me grattent et tout, machin. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, mais attends, à chaque fois que ça me fait ça. Il y a un chat chez eux, c'est comme ça que j'ai... Ouais, t'es autodiag, en fait. Voilà, j'ai autodiag. Autodiag. C'est ça. Je saurais pas dire quand ça a commencé. Moi, je crois que je suis devenu allergique à un truc, mais d'une, je sais pas quoi. Et c'est arrivé tard. Non, mais en fait, je croyais que c'était le Covid à l'époque, parce que ça a commencé un peu pendant la période du Covid, où j'avais... Le nez un peu bouché, tu sais, genre. Le Covid, ça. Ouais, non, mais un peu mal à la gorge, ouais, perdre le goût. Ouais, être à l'hôpital. Tout ce qui est lié au Covid, non? Ah, ouais, je suis pas médecin. Non, mais vraiment juste gorge qui pique et nez et tu sais, yeux qui pleurent un peu, donc vraiment une allergie, quoi. Et ça continue de temps en temps, à certaines périodes, mais je sais et pas du temps tout. Et de temps en temps, c'est pas genre le. Pollen? Bah, je pense que c'est ça, mais des fois il y a des pics de pollen. On a notre pote Freddy Gladieux, lui est très allergique et moi j'ai rien. C'est vraiment pas. Mais ça dépend des pollens. Je suis allergique à pas mal de pollens. J'avais fait des tests au chat aussi déjà. J'ai découvert avec ma copine qui avait un chat. Donc vraiment, je me levais le matin avec les yeux explosés et tout ça pendant. Ouais. Ah oui. Et en fait, à force de côtoyer le chat, je suis plus allergique au chat. Ah, pas mal. Ah, cool. J'ai souffert pendant 2 ans. Mais ça valait le coup. Un Pixar à mes yeux. Exactement, avec mes yeux rouges aussi. Ouais. Et les allergiques au pollen, il y en a 1000 en fait, des pollens différents. Donc tu en as de janvier à décembre. Et donc selon tes allergies, ça peut être en février, ça peut être en mars, ça peut être n'importe quoi. Donc t'as peut-être un petit pollen où tu commences à être allergique. Mais c'est tard, non? C'est fou, ça, c'est des réveillés. Non, il paraît que les allergies, c'est tard, vraiment. Et de plus en plus dans Paris, à cause de la pollution, je vous le dis. Calme-toi. Sors, Pascal Pro. Je vais poser toutes les questions. Est-ce que c'est pas lié à l'immigration, ce pollen? Est-ce qu'il ramène pas du pollen dans le. Non, mais je vais poser toutes les questions. Il est face à moi. Si toi t'as un truc comme oui, ça a aucun intérêt. Je suis allergique à la pénicilline. Alors, honte. Voilà. Mais comment c'est nul. Mais comment t'es en contact avec la pénicilline dans la bébé. Vie bébé. Ah. Ça se trouve je le suis même plus, mais on prend pas le risque parce que je devais avoir 3 mois et apparemment je suis devenue qu'une plaque. Ah ouais. Très gonflée. Donc ils ont fait bon, maybe not. Ouais. À respirer comme ça. Donc voilà, il faut surtout pas. Si jamais il y a un problème. Vous avez de la pénicilline sur vous, ne m'approchez pas. Je crois que la pénicilline, c'est la base de pas mal de traitements et de ouais, médicaments, voilà. Je crois. Faut, donc faut, il c'est faut, quand même bon à savoir. Il y a marqué mais... si vous êtes allergique à la pénicilline. Enfin, je sais que les médecins, des fois, demandent vous n'êtes pas allergique à la pénicilline. Ouais. Avant de te prescrire un truc. Et parfois ils oublient et tu leur dis ils font oula, vous faites bien de le dire. Et ils rayent le truc. Et apparemment, il y en a quand même pas mal dans les champignons, le fromage, tu peux en trouver là-dedans. Les champignons, le fromage. Ouais, apparemment. C'est pas process de la même manière, je pense, comme oui, dans ça, un antibiotique. Ouais. Non, après, parfois, j'ai des périodes où je fais des allergies à moi-même. Okay. À mes émotions. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Non, mais c'est tu veux dire que tu somatises ou des. Oui. Non, c'est ça. Oui. Et ça prend des formes très différentes. Alors, ça, c'est un. Arrêter de me le faire, mais pendant 2 ans, à chaque fois que j'avais des pics de stress vraiment violents, parce que pic de stress tous les jours, hein, minimum 5-6 heures dans la journée, mais un vrai gros pic de stress, et ben la première fois que ça m'est arrivé, j'ai eu très peur. Les yeux en dessous là qui gonflent comme si on m'avait frappé, et au-dessus pareil, et en fait, c'est de l'urticaire de. Ah ouais, oui, bah ouais, ouais. Voilà. Et ma mère, visiblement, ouais. Avait la même chose à une époque avec les pieds et la bouche. Qui gonflait très fort, elle pouvait plus mettre de chaussures, elle était comme ça. Incroyable. Ouais. C'est très pratique quand t'es chanteuse. Ouais, c'est vraiment nickel. Chanteuse danseuse, comme il dit. C'est bien trouvé. Il y a eu deux trois rires en ville. Il y a eu deux trois rires. Ta mère, elle est chanteuse. Ouais. Ah, trop bien. Quand t'as dit ma mère, elle était dans Starmania, ouais. Elle était dans Starmania. Ouais, ouais, ouais. D'accord, putain, trop bien. Ouais. France Gall, ça te dit un truc. Ça te dit quelque chose. Je croyais que tu disais elle était dedans, genre c'était son truc, mais en fait non, elle était non, dedans. Non, dedans, elle jouait dedans. Sadia, ouais. Et ton père aussi. Génial, ouais, ouais. Trop cool. Ton père aussi, non? Dans Les Misérables. Et mon père dans Les Misérables. Ah, oui, il chantait d'accord, dans ok, aussi, donc ouais. J'ai rien compris, moi. Moi, c'est genre leur délire, en fait, ils étaient dedans, quoi. Et mon bon père, mais mon père est dans Indochine, c'est Nicolas Sarkozy. Ah, bien sûr, c'est pour ça que je vous ai trouvé un peu dur, il remplit des stades. Mais bon, pardon. Non, mais pas de galère, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, je lisais. Moi, mon père conduisait bourré, moi. Il est pas japonais. Ouais, il est pas japonais du tout. Non, mais il était très précurseur du truc. Et d'ailleurs, alors, je sais pas s'ils ont fait une coquille ou quoi. Je lisais Le Parisien. Je vous dis ça comme ça. Bah ouais. Je lisais Le Parisien. Très bon canard hein, pour moi. Qui parlait d'une grève de docteurs et il disait que 2 millions de Français y allaient chaque jour. Ça me paraît énorme. Attends, 2 millions de Français. Que 2 millions de Français allaient chez le docteur. Chaque jour. Ouais, si. Si tu crois. Bien sûr. Ah ouais, ça moi j'ai énorme. Sur 65 millions de Français, c'est bah, un chiffre gros. Non, moi je trouve pas ça beaucoup. Ah tu ouais vois. Tous les bah jours. Ouais. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils entendent par docteur? Je pense qu'ils prennent tout. Je pense qu'il y a dentiste, médecin généraliste. Bon, t'imagines, ça fait pas. Déjà sur Doctolib, prends un rendez-vous. Tu vas voir combien de temps t'attends, mon pote. Un généraliste, ça va, mais alors. Je suis l'ophtalmo. Bon, je vais pas, mais j'imagine. Dermato, mon pote. Oui, dermato. C'est horrible. Et moi, j'ai pas une famille où tu peux être malade, genre le docteur. C'est vraiment dernier recours. Yes, tu restes malade, ouais. Tu as mal longtemps, et au si bout vraiment... de 3 semaines de douleur, tu dis peut-être je vais voir un docteur. Et c'est trop tard. C'est quelle avis À Rouen, on peut acheter un magnet sur lequel un QR code. Et là, je vais. Magnet ou magnète, vous dites magnète. Magnète. Magnète, moi, je crois. Mais moi non. Après, je vais être honnête, je l'utilise rarement au quotidien. Oui, ce mot, c'est un mot que j'utilise. Non, mais voilà, moi j'essaie de jeter un petit peu des petits. Moi je prends des magnètes, je pense. Magnètes aussi, ouais. Ouais. Magnétique, quoi, pardon. Magnétique, et je pense que ça va te régaler parce que toi t'adores ces petits trucs là un petit peu technologiques. Un QR code nous permet de discuter avec une IA sur ce magnète. Mais alors, une IA de quelle personnalité? À Rouen? Personnalité. Une personnalité. Attends, à Rouen. Sur un magnet, c'est-à-dire qu'à Rouen, il y a un musée. T'achètes un magnet à la boutique de souvenirs. Tu le ramènes chez toi. Tu le ramènes chez toi, il y a un petit QR code à l'arrière. Tu scannes et tu peux aller. Et tu tchatches. Alors, qui est de Rouen? C'est une URL, quoi. Enfin, genre, c'est... La Joconde. Pas la Joconde. Un personnage fictif? Pas fictif. Qui est de Rouen? Mort. Décédé. Depuis un roi? De Rouen. Pas un roi. Victor Hugo. Pas un auteur. Pas un auteur. De Rouen ou pas du tout? L'histoire ne le dit pas. Je connais aucune personne née à Rouen, mais c'est au cas où. Non, qui. Vénabar. C'est pareil. Non, qui a une personnalité qui a. Oui, pour le coup, elle a terminé à Rouen. Mais elle n'est pas née là-bas. Julien Clerc. Non. Mais qui est pas mort, il y a des années. Non, mais il peut terminer là. Non, mais il est filmé à ses yeux, c'est pour ça qu'il dit ça. Jeanne carrière d'Arc. Très bonne réponse. Oh, wow, très bonne réponse. Effectivement, un magnète intelligent proposé dans la boutique de l'historienne Jeanne d'Arc. Alors non, il y a juste un QR code dessus. C'est vraiment pas intelligent du tout. En scannant un QR code au dos, une discussion apparaît. Vous pouvez alors engager la conversation. L'idée, c'est de rester à la pointe de la technologie. Assure Laure Dufay, directrice de Rouen Normandie, site et monument. Changez de nom déjà. Hein? Le nom est nul. Changez de nom. Le patrimoine n'est pas forcément quelque chose de passéiste. Ça peut être moderne, innovant et accessible. Waouh. Alors en parlant de ça, entre temps, depuis le dernier podcast, j'ai accès au truc, la version vocale de ChatGPT. Donc j'ai testé. Ah. C'est génial. J'en ai appris de belles sur le corail. Non mais j'ai mis mon téléphone sur ma table de chevet. Je lui ai dit ah j'ai envie de discuter d'un truc pour m'endormir et tout. Et je sais pas pourquoi. Je crois que c'est lui qui m'a proposé le corail. Je dis bah ouais. Il me parlait du corail et puis je lui posais des questions. Il me répondait et tout. Et j'ai, voilà. Non mais est-ce que vous saviez le truc qu'on appelle corail? T'énerve pas. Non mais attends, c'est génial. Le truc qu'on trouve... essaie de nous prouver que t'as passé une bonne soirée. On te croit. On te croit. Écoute, je grappille. Quand j'ai fini de s'allumer, j'accroche une porte parfois et un petit sourire. Non mais ce qu'on appelle corail, genre les trucs qu'on trouve sur la plage et tout. En fait, déjà le corail c'est un animal. Je sais pas si vous saviez. Ça je savais. Bah moi je savais pas. Ouais. Voilà. Et en fait, le truc dur machin qu'on appelle corail, en fait c'est le squelette que fabrique le corail, les polypes de corail. Ok. Pour se protéger en fait. Donc le corail il est dedans. Et il se protège pas très bien parce que ça va pas top le corail en ce moment où c'est moi. Ça se prend des coups de palme. Oui mais en fait le truc c'est qu'ils se construisent une armure quoi. Nul. En calcaire. Ouais c'est ça. Bah nul parce que les humains la détruisent mais ça les protège de leurs prédateurs en fait. En 1v1 contre du corail on gagne. C'est ça. Bah les surfeurs parfois non. Des fois ils se prennent le corail et ils se font bien. Moi je trouve que les polypes de corail on dirait une chanson de Francis Cabrel. Tu voulais l'imiter. Tu voulais l'imiter. Tu voulais pas de notre gueule. Tu voulais l'imiter. Ordinateur, on dirait une chanson de Francis Cabrel. Ordinateur. Ça me fait penser à ça, pardon. Voilà, bon, il y a du corail de douche aussi, mais bon, voilà. C'est pardon, oui, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Non, non, mais. T'as discuté combien de temps avec. Pas si longtemps. Ouais. Non, si je peux me permettre, s'il y a des gens de OpenAI qui nous écoutent. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ah ouais, Elon Musk, là, écoute, tends l'oreille, mon pote. Non, en fait, le problème, c'est que une fois que t'arrêtes de parler. Il n'y a pas un truc qui détecte, bon bah là ça fait un quart d'heure qu'il a plus parlé, donc je vais m'éteindre, tu vois. Et donc en gros, je me suis endormi au bout d'un moment, la tête pleine de corail et de rêves et de couleurs. Et en fait j'ai commencé à ronfler et lui il a cru que je parlais, mais il n'a pas compris ce que j'ai dit. Et donc il a dit, comment puis-je vous aider? Ça m'a réveillé, donc j'ai dû éteindre mon téléphone, donc il faut une petite mise en veille. Et tu peux choisir la voix ou... Oui, tout à fait. Et il a la voix de quoi? Cabrel, non, je vais juste le refaire, excusez-moi. Non, non, mais c'était pas pour te lancer du tout, t'es dit. Il y a trois voix féminines, trois voix masculines. Et c'est un mec ou une meuf? Non, mais pour savoir, chez toi. Il a la voix de quoi? Je crois que j'avais pris un mec et là j'ai mis une femme, je crois. T'as mis un peu de piment. Est-ce que t'as vu le film Heure? Ouais. Voilà, c'est tout, c'est pour savoir. Non, et donc c'est assez perfectionné. Alors, évidemment, je vérifie les infos et tout après. Calmez-vous. Là. Il y a des erreurs. Vos gueules. Ok. Avec les IA, oui, je sais, c'est bon. L'IA, des fois, tu lui dis ça, tu ta gueule. Arrête. Non, ça, des fois, ça m'arrive d'être un peu ferme avec. Non, mais il s'excuse tout le temps. Ah. Yo, pardon, j'ai fait une erreur. Arrête de t'excuser, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu t'excuses. Il fait oui. J'ai l'impression d'être une IA. C'est un truc qui pourrait vous faire kiffer, ça. Avoir une IA chez vous, lui parler ou tout. Non. Je crois que c'est un des trucs qui m'intéresse le moins du monde. Ah ouais. Les IA. Oui, bah j'ai pas encore chopé. Non mais j'ai pas encore chopé le truc. Il va peut-être falloir. Alors pour que ça m'intéresse, faut peut-être qu'il y ait un fait divers, un truc qui se passe avec une IA dans la vraie vie. Je veux dire quelqu'un bien qui sûr. Meurt à cause de là, je vais peut-être commencer à me dire sympa. Oulala, ça m'excite. Mais là, pour l'instant, non, je m'en fous un peu. Ouais. La seule expérience que j'ai avec ça, c'est Siri qui m'a gavé, qui m'a interrompu, qui m'a niqué ma vie jusqu'à ce que j'apprenne à la désinstaller et qui est à peine une IA. Mais oui, tu vois, en nul, fait, quoi. Moi, je confonds un peu tous ces trucs. Non, mais c'est une IA, mais vraiment nulle, quoi. C'est-à-dire que tu lui dis quelle taille fait Sarkozy, va te juste afficher la page Wikipédia de Sarkozy. Ouais, c'est ce que je t'ai demandé. Donne-moi ça. Toi, t'es dit, c'est un truc qui pourrait être pas tellement. Moi, j'aime bien parler tout seul, mais vraiment tout seul, quoi. Je veux pas qu'on me réponde, en fait. Si je voulais parler à des gens, je comprends aussi. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai comme ça, je peux un peu, tu vois, échelonner. Je parle tout seul, je parle à ma chienne, ou je parle à ChatGPT. Jamais un humain, évidemment. Final. Un petit scénario de sitcom là, quand même. C'est un IA, il a un chien, une IA, et résout des enquêtes. Ah ouais, je regarde. Ok, c'est bon. Attends, on peut Amazon, Netflix. Allez, on nous écouter. On peut tester maintenant. Ah bah vas-y. On lui dit, on lui demande quoi? Bah je sais pas. Bah là, j'ai pas envie d'en apprendre plus sur les coraux. J'en ai trois pris. Mais... est-ce qu'il connaît le podcast par exemple? Voilà, demande lui. Parce que il a progressé. Ah ouais. On va voir. Alors demande lui. Il se connecte. Je monte le volume. Attends, non, pardon. Attends. Ah, parce que du coup, il écoutait ce que je disais. Oh, merde. Bonjour. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Pas toujours très rapide. Pour moi, t'es genre Monaldi actuellement. Pour ça que comment je m'en. Puis-je vous aider? Oh, elle a un petit accent. Chut, elle entend tout par contre. Hein. Bonjour, connais-tu le Floodcast? Là, elle est en train de... La connexion est pas top. Sûrement. Oui, je connais le terme floodcast. C'est une combinaison des mots flood et podcast. Cependant, je ne peux pas accéder aux informations après janvier 2022. Donc, si le floodcast est un concept ou un podcast spécifique qui est devenu populaire après cette date, pourquoi je n'en aurai pas connaissance. C'est très long. Bah, chier. Non mais en fait, ne me dis pas si. Réponds à ma question. Tellement long. Je parle mal. Oui, je connais le terme floodcast. Elle veut dire la même chose. Oh. Ah oui, c'est lapidaire. Va chier. Désolé, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par c'est l'épilogue. Bon allez, c'est pas grave, allez, allez. Bah, en tout cas, attention bien, l'Ecclésia, hein, ils vont nous remplacer. Oui, hein. Attention, hein. ça arrive lourd. Hein. C'est mieux d'habitude, hein. C'est vraiment mieux d'habitude. Mais là, vous parliez en même temps. C'est notre faute. J'ai rien compris. Cela dit, un jour, j'ai voulu faire la démonstration à quelqu'un et la personne a ri et il a dit ah, je vois que ça vous fait rire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, donc, un peu flippant ça. Il a détecté un rire quand même. Ouais, ça c'est un peu angoissant. Là, j'ai mis un petit peu de derrière en plus. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tu veux dire, je suis un clown ça, Joe Pesci? Mais en vrai, comédien mon pote. Mais ceci dit, quand il a dit j'ai pas d'infos après janvier 2022, ça m'a aussi angoissé pour aucune raison. Et je trouvais ça très spécifique de après janvier, j'ai plus rien. C'est genre comme si j'étais mort depuis le début, j'ai l'impression. On arrive à la fin du podcast. Quoi, non, tout simplement. Alors on va d'abord partager effectivement vos recommandations culturelles. S'il y a quelque chose que vous avez aimé, que dans le domaine du cinéma, de la série, du théâtre, peut-être de la musique. Mm-hmm. Cécile, j'ai envie de commencer avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu récemment? En musique, je dirais Club Céleste. D'accord. Et c'est pas juste parce que c'est mon amie d'enfance. Est-ce Club Céleste, c'est une super chanteuse et elle va bientôt sortir son nouvel EP et il faut suivre ce qu'elle fait. C'est chamé, ça va être de plus en plus chamé. C'est quel genre de musique? C'est quoi? C'est de la. Ah, elle c'est mélange la pop, pas mal un peu de électro quoi. Non, je sais pas. Il y a de la pop. Il y a de la pop. Il y a des trucs, il y a des influences assez jazz aussi. À la base, c'est une chanteuse plutôt jazz, mais là, oui, ce qu'elle fait, c'est assez édulcoré. Si t'as 25 minutes devant toi, on peut demander à ChatGPT. Et sinon, aussi le précepteur, le podcast de Philo. D'accord. C'est vraiment trop bien. Ah ok. Je connais pas. Franchement, c'est même pour les gens qui ont peur d'écouter de la Philo en disant voilà, c'est. Qui sont un peu traumatisés en se disant je vais pas tout comprendre et tout, je trouve qu'il est très très juste dans sa façon de vulgariser, d'expliquer les trucs et tout. Mais ça a peut-être changé d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est assez traumatisant la philo. Moi j'ai non mais c'est parce que j'ai fait un bac L. Pardon d'avoir ri. Non mais en réalité, j'ai oui, traumatisant yeux. Le mot est peut-être un peu beaucoup. Attendez, trigger warning philosophie. Non mais parce que moi j'ai fait un bac L et du coup la philo j'en avais jamais fait de ma vie et d'un coup tu le fais qu'un an et c'est coef 38 et c'est beaucoup de termes très difficile alors que ça devrait être rigolo la philo. Ben puis ouais moi je rêvais d'en faire mais vraiment depuis longtemps ça m'intéressait quand j'ai vu comment c'était enseigné comme des maths j'ai fait moi c'était la grosse déception de mes études du lycée quoi. Mais ça devrait pas ressembler à ça la philo. Il y a beaucoup de philosophes formidables. Charles Pépin aussi il est génial. C'est vraiment un mec que tu peux écouter. Enfin moi j'ai, voilà, en reco philo j'ai plein de trucs Ouais. Tu peux. Et c'est, ça dépend selon qui, ça dépend de ton prof, parce que c'est selon Philippe. C'est super la philosophie. Là, là, j'ai c'est la ref. Oui, merci. J'ai la ref. Pas si jeune. Tu vois. Mais oui, moi c'est vrai que pareil, moi j'espérais, voilà, qu'on me demande qu'est-ce que l'audace et je rends la feuille vide et on me donne 20 sur 20. Oui, et oui. C'est vrai que c'était beaucoup la biographie d'Heidegger et des trucs comme ça, et voilà, c'est un peu plombant. Mais ça a peut-être changé ceci. Je parlais avec des jeunes pour la sortie d'un film en avril et vraiment j'étais surpris à quel point l'école a évolué de fou ouais, vraiment. Bah oui, maintenant il y a même plus L, ES, ouais, c'est S, ça, j'ai appris non, ça il y a... Non, et tu dois, il y a des trucs très cool, tu dois choisir déjà ta formation d'après 4 ans avant, enfin c'est devenu un truc, c'est super. C'est déjà le stress avant de se dire qu'est-ce que je vais faire plus tard, ils ont dit non, on va faire encore avant. C'est vrai. Alors que nous, en CP, 35, il faut 40 ça... ans, c'est toujours pas ce qu'on veut faire, ouais, exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Teddy, quelque chose que tu as apprécié récemment? Oui, il y a deux choses assez différentes. Sur YouTube, il y a la finale du PPF France, Passion Pétanque France, de 2018, entre l'équipe Rocher et l'équipe Quintet, si je dis pas de bêtises. Pour les amateurs de pétanque et ceux qui veulent connaître, c'est une des plus belles parties qu'il y a eu de pétanque au monde. Il y a des rebondissements. C'est un, pour moi, c'est un film de Night Shyamalan. Je sais pas comment on dit son nom. On a vu, peut-être, je sais pas. Du 8ème sens, 6ème sens. 8ème jour. Le mec qui a fait 8ème jour. Ouais, c'est ça. Et bah, regardez ça, regardez 8ème jour. Je vous conseille d'autres. Non, mais c'est une très belle partie de pétanque pour les amateurs de pétanque ou non. Mais elle est sur YouTube, elle est dispo, elle est gratuite pour l'instant. Et donc, c'est trop bien. Parce qu'il faut savoir que tu adores la pétanque. J'adore la pétanque. T'en parles même sur scène. Oui. C'est un match que tu conseilles même pour les gens qui n'y connaissent rien à la pétanque. Ils peuvent frémir un peu, genre. Ouais, parce que t'as des retournements de situation, t'as des bouchons tirés, des mains annulées, des retours. Ils vont gagner, ils vont pas gagner. Enfin voilà, c'est le sport. C'est aussi le scénario qu'on a dans le sport qu'on n'a pas forcément partout et qui a des rebondissements comme le rugby, je comprends rien. Ouais. Mais c'était sympa de voir France-Afrique du Sud. Et peut-être qu'ils vont gagner, bon non. Un peu décevant, ouais. Mais voilà. Tu joues toujours à la pétanque ou... Très rarement, ouais. Très rarement et beaucoup moins bien. Donc, mais là je travaille. Oh, vous êtes fait bouffer par le Molki. Je prévois de faire un documentaire sur la pétanque. Je suis en train de travailler dessus. Et sur la pétanque, notamment dans le monde, parce qu'il n'y a plus que la France. En Afrique, ça joue. Le Bénin a organisé les derniers championnats du monde, par exemple. La Thaïlande est championne du monde. Ah ouais? Voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la pétanque. Bah, et tiens, puis, j'ai envie de faire découvrir. Il y a des trucs très intéressants. Il y a un autre truc qui n'a rien à voir qui s'appelle Le pianiste aux 50 doigts, qui est au théâtre Montparnasse. C'est un C'est un pianiste, alors qu'il n'y a pas vraiment de doigts. C'est oui, c'est vrai. Non, c'est un. Je crois que c'est Pascal Amoyel qui s'appelle. Pas sûr, c'est pas forcément lui rendre hommage. Je vais regarder. Qui explique la vie d'un autre pianiste qui est Giorgio Zifra. Je connaissais personne de là-dedans, bien sûr. Je suis le mec qui connaît, mais j'ai Pascal Amoyel. Amoyel, voilà. Et c'est vachement bien. Ça raconte tout. Le mec joue très bien. Je connais rien en piano, mais c'est très agréable. Il raconte toute la vie du mec qui a eu une vie horrible et qui faisait du piano, qui a été enfermé plein de fois, qui refaisait du piano, qui se refaisait enfermé. Enfin, ouais. Et c'est pas. Enfin, c'est un peu marrant, c'est touchant, c'est beau. Franchement, c'est vachement bien, je vous conseille. C'est au théâtre Montparnasse, théâtre à Paris. Montparnasse, c'est du jeudi au dimanche. Là, octobre, novembre, voilà, décembre. Ça fait longtemps qu'il joue, je crois que ça marche très bien. Donc, il a pas du tout besoin de moi. Je pense pas qu'il écoute spécialement. Oui, mais tu sais, ça peut amener un autre public ici. Mmh. C'est bien de le faire. Et ben voilà, surtout qu'on recommande pas assez des spectacles en plus. C'est vrai que c'est pas le truc. Et bah, faites-le. Voilà, donc le pianiste aux 50 doigts. Oui, mais moi, alors moi j'ai découvert les spectacles, et d'ailleurs au Beau Saint-Martin, les spectacles pour enfants. Ah oui, moi, t'es allé voir Où est Cacahuète? J'ai été voir Où est Cacahuète, bien sûr. Ouais. Mais tu sais que c'est chambé. C'est mon gros Cacahuète. Adversaire au Saint-Martin. Bah, ça joue entre vous deux. Hein. C'est, ouais, c'est ça. Mais c'est... Où est Cacahuète, qui est vachement bien. Il parce paraît, que par ouais. rapport à. J'en ai fait d'autres. Et Où est Cacahuète, c'est un des mieux. Hein, je pense que parce que la moyenne sera flattée. Je ne connais pas, mais je m'excuse déjà pour lui. J'en profite d'ailleurs de. J'ai pleuré, je vous le dis, j'ai pleuré devant Où est Cacahuète. Je vous le dis quand même. C'était le premier spectacle de ma fille et ça m'a fait quelque chose. J'en profite pour. Si vous avez vu Cacahuète, si vous avez même quelqu'un, vous pouvez envoyer un mail au podcast. Alors je vais un peu spoiler. Elle retrouve Cacahuète. Okay. Voilà, elle retrouve. Okay. Je vous rassure, elle retrouve Cacahuète. Adrien. Bah, attends, bouge pas. Bonjour. Est-ce que tu peux me faire une recommandation culturelle pour quelqu'un qui a envie de passer un moment léger et divertissant? Ça arrive. Bien sûr. Ah, vas-y du coup. Si vous préférez la lecture, un roman feel good ou une bande dessinée humoristique pourrait être une bonne option. Si vous aimez la musique, écouter un album joyeux ou dansant peut également être divertissant. Tu me fous la honte. Une œuvre en particulier? Ça va être top. C'est un peu long. Toujours un fiasco. Non, c'est pas Je recommande le film Amélie, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Ouais. Non, bon, non, non, non. Ouais, c'est sympatoche, mais... Ouais, ouais, bah bon. Ouais, c'est sympatoche. La grande badgerie. Avez-vous vu les bronzés font du ski? Alors, pourquoi ce petit, petit accent? Des fois, elle te parle en anglais, c'est pour ça? En fait, c'est parce que souvent, en fait, les voix de synthèse, elles sont faites à partir de voix... elles sont synthétisées à partir de voix qui parlent anglais. Okay. Du coup, tu peux quand même la reproduire avec, en français. Enfin, elles peuvent parler français. Ou n'importe quelle autre langue, mais il y a un petit accent quoi. Un gros accent. Un énorme accent. C'est incompréhensible. Non, moi, c'est une vidéo YouTube. Voilà, j'ai retrouvé. Qui s'appelle Neurosciences, les méandres du cerveau. Qui. Je suis en train d'un peu de meubler parce que j'ai oublié le nom de la personne. Donc, C'est que sur YouTube, hein, c'est pas un truc Netflix, parce qu'il y a plein de trucs sur le cerveau, sur Netflix, tout ça qui sont. Non, voilà. Alors c'est une conférence de quelqu'un qui s'appelle Albert Mukaiber, et j'espère que je prononce bien son nom. Si tu le prononces bien. Ouais. Je sais pas. Ok. Sympa en tout cas. Merci du compliment. En tout cas, ça me fait plaisir. Il te tue là. Non, voilà, ça s'appelle donc j'ai encore oublié. Neurosciences et méandres du cerveau. C'est une conférence d'un mec qui s'appelle Albert Mukaiber et qui est donc neurologue et qui explique le fonctionnement du cerveau, plein de trucs, etc. Et c'est et, en fait il il vulgarise très bien, sans essayer d'être particulièrement drôle, parce que parfois les vulgarisateurs c'est genre oui mais tu n'es pas drôle. Ouais. Non mais mais oui, il est super, lui, ouais. Je l'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai eu un coup de foudre incroyable, j'avais là d'un coup j'ai dit ah mais oui putain ouais. En fait c'est très clair, c'est quand génial. Il en parle, c'est hyper c'est limpide, tu dis ah bah oui, c'est pour ça que j'ai peur. Bah oui, t'expliques ouais. Pourquoi t'as peur, pourquoi tu peux être sidéré quand t'as peur, pourquoi tu fuis, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Il déroule le fil, il part d'un truc et ensuite il déroule le truc et ça explique plein de comportements humains. C'est en français, ouais. Et c'est super, voilà. Bon, bah, trop bien. Voilà, ouais, non, mais voilà. Bon, ça a l'air bien, c'est vrai. Moi, j'ai deux petites recommandations cinéma. Bah oui, évidemment. Écoutez. Mais ouvre là, ouvre-toi un peu à autre chose. Vrai, mais non, la patte patrouille, hein, non, non, non. Non, non, c'est. Alors, cela dit, j'ai vu Le Chapeauté 2. C'est bien. Ah non, mais Chapeauté, c'est bien. Chapeauté, non, mais Le Chapeauté 2, j'étais impressionné. L'animation, l'histoire, vraiment super film. Mais ça fait quelques temps qu'il est sorti le. Ouais, mais sur Canal. Il vient d'arriver sur Canal. Non, un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Le Règne Animal. Avec Romain Duris, entre autres, c'est vraiment très cool. Il y a vraiment Romain Duris, il est trop bien dans le film. Enfin, il est vraiment, il joue un père de famille un peu dépassé. Alors, faut quand même dire le concept, c'est dans un monde dystopique un petit peu où les gens se transforment en animaux un peu mutants. C'est un peu Manimal d'une certaine manière, tu vois. Oui, mais sans explication, tu sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est jamais expliqué pendant le film. Mais juste des gens se transforment en animaux et tu vois des humains vivent par rapport à ça, donc ça traite de plein de choses, ça parle de devenir, parce qu'il y a aussi le fils de Romain Duris qui a des petits changements, donc ça parle un peu de devenir adulte, mais ça parle aussi de la peur de l'étranger, de se sentir même étranger dans un pays, etc. Et en même temps, je trouve que ça prend vraiment le truc, ça contourne pas le sujet, quoi. Tu vois vraiment les bestioles, tu vois vraiment le truc, comment il est géré, c'est pris très au sérieux. Et en même temps, il y a une scène sur du Pierre Bachelet, les amis. Oh oui. Oh là là. Bah écoutez, les larmes aux yeux. Très belle scène. Oh, si c'était au nord, c'était les coraux pour rebondir. Non, non, non. Il est fort. Me permet. Non, non, non, mais c'est un super film. Thomas Caillet, c'est celui qui avait fait Les Combattants aussi, presque 10 ans, qui était déjà un super film avec Adèle Haenel. Et là, vraiment, c'est assez impressionnant comme film. Donc voilà, je vous conseille ça. Et un autre film, alors plus difficile d'accès, et puis même, alors là, pour piraté. Le coup, ouais. Non, qui est sur Canal, non, difficile d'accès parce qu'il est assez dur. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et là, pour le coup, trigger warning parce que c'est un film qui parle de violence, parfois sexuelle, etc. C'est un film qui s'appelle Mon homme de Bertrand Blier avec Anouk Grimbert et Gérard Lanvin de Bertrand Blier. Et j'ai trouvé que c'était assez exceptionnel comme film parce que je découvre Anouk Grimbert. En fait, je me suis enchaîné plein de films avec elle. C'est vraiment une très grande actrice et d'autant plus dans ce film qui s'appelle Mon homme. Je la trouve vraiment. Hallucinante dans ce film et c'est un très beau film de Blier. Alors encore une fois, je suis un garçon et je vois ça de mon prise de garçon, ça peut être plus dur quand tu es une femme ou voilà, mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très beau et il y a aussi Valeria Bruni Tedeschi, ouais. Et qui est, voilà, qui, c'est un film c'est qui... la sœur à Carla. Oui, c'est vrai. Et pour d'autres petites trivia comme ça, un peu people, vous retrouvez Teddy tous les matins. Tu es Dozan. Teddy te dit tout. C'est J'ai envie de le faire. Et non, mais donc voilà, Mon homme de Bertrand Blier, c'est sur Canal. Mais il y a tous les Blier là sur Canal en ce moment. Il y a aussi un 2-3 soleil. Alors ça, c'est beaucoup plus bizarre. Mais j'ai un peu moins. Bah, c'est de la musique, c'est. C'est Raled. Non, mais c'est juste raciste en fait. Non, mais c'est Anouk Grimbert. Bah en l'occurrence c'est ça la musique, enfin c'est vraiment un 2 3 soleil qui fait la musique. Ah d'accord, okay. Mais Anouk Grimbert joue toute la vie d'une meuf de l'enfance à la fin, mais c'est Anouk Grimbert. C'est donc du deepfake. Non, c'est du deepfake. Mais genre c'est elle à je pense 35 ans à l'époque et elle joue une petite fille elle joue de 4 bébé, ans. Elle joue... Ah oui, c'est d'accord. C'est ça, donc bon, faut rentrer dedans quoi, c'est plus c'est un peu plus c'est plus un peu comme le film avec Vincent Tirel qui jouait un Les Dissociés. Ouais, c'est plagié. Oui, et je le dis aujourd'hui, maintenant je peux le dire, j'ai plus rien à foutre. Voilà, mais Mon homme vachement bien, c'est sur MyCanal, voilà, n'hésitez pas à regarder. Okay. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors je refais un petit tour de table pour vos promos respectifs puisque alors promo un peu qui vous concerne tous les deux effectivement le random à l'européen le 19 novembre. Ouais, tout à fait. Alors et, ouais, faut qu'on apporte quelques précisions. Bien sûr. On sera nus. Alors faut que les gens le sachent. C'est sympa. Non mais c'est pas juste un comedy club parce que c'est vrai qu'on c'est pas clair dans notre promo entre est-ce que c'est pareil que au random au Jamel. Il se passe beaucoup de choses avec le random, on a l'impression. Il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est là ça. C'est vraiment il y aura nos sketchs à nous tous donc comme t'as dit à Cécile, Babor, Nash, Léopold, Antoine, Guigui, Étienne et moi si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et il y aura plein de sketchs, on va faire des petits duos. Il y aura, ouais, des surtout, c'est vraiment en mode voilà. Troupe quoi. C'est un spectacle. Le splendide. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Ouais. C'est un vrai spectacle. On le fera que là, on le fera qu'une fois. Non, on fait des deux, duos. Deux fois ce soir-là. Ouais. Mais on le rejouera sûrement pas après. Ce n'est pas un plateau d'humoriste. Exactement. Voilà, on fera des petits bouts de sketch et on fera des sketchs qu'on a créés pour l'occasion à deux, à trois. Est-ce voilà. qu'on peut dire que c'est une soirée exceptionnelle? Ouais, voilà, donc vous pouvez prendre vos places. Et on joue à 18h et 20h 18h et 20h30, un truc comme ça. Il y a 18h deux, et 20h, passages. Il y a deux super. Sessions le 19 novembre à l'Européen. À l'Européen. Génial. Voilà. Et donc, comme je disais, Cécile, ton spectacle ouais. au Beau Saint-Martin. Oui. C'est tous les, je l'avais noté, tous les mercredis. Tous les mercredis à 21h. Voilà. Et on te retrouve aussi sur Europe 1. Et toi, t'es dit, là, tu testes beaucoup. Est-ce que dans l'idée, c'est oui, d'imaginer un spectacle plus tard? Oui, en tout cas, dans l'idée, ouais. bah, je suis quand même feignant. Donc là, ouais. j'ai 8-9 minutes voilà, qui tournent un peu. Je teste beaucoup, je joue pas tant que ça. Je joue 2-3 fois par mois. Mm. Mais j'aime bien. Et puis, avec, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on joue avec des gens sympas. Quoi. C'est avec ouais. Antoine, avec ça, Étienne, au random. Enfin, on a la chance de jouer au Jamel Comedy Club. Alors que moi, j'ai joué peut-être 15 fois en tout dans ma vie. Ouais. J'ai joué 3 fois au Jamel Comedy Club, ça a aucun sens. Enfin, personne n'a cette chance. Ah, c'est un beau théâtre. C'est joli, c'est joli ouais, comme tout. Ouais. Donc non, je joue un peu un spectacle un jour avec avec plaisir. Mais franchement, déjà juste en comedy club, on s'amuse bien. Il y a Justine qui a lancé le sien aussi, le cartel. Il y a le random. Ouais. Il y a le voilà tous les spectacles d'Étienne, Antoine, Guigui. Enfin tout ce qui tourne autour du random, franchement. Allez-y. Bon délire. C'est ouais, vrai. Franchement, bon c'est délire. Bien. Et tu écris en ce moment aussi sur des choses? Et j'écris bah ouais. donc ce docu que ouais. je prépare ouais. et un dossier de série comme tu sais avant d'être ouais, optionné. Ouais. Ça machin, met du temps voilà. toutes ces histoires. Toutes donc ces histoires. Pour l'instant c'est. C'est des choses qui pourraient t'intéresser fait. Aussi Cécile toi. Moi j'ai un film un long métrage optionné oui. Super. Adrien. Donc en terrasse sur Amazon toujours. En terrasse sur Amazon réalisé par Félix Guimard et Florence Fauquet. Je le précise parce qu'il y a Brut qui a fait une vidéo pour parler de la série qui sont trompés dans le nom des réalisateurs, donc je rectifie. Et qui ont aussi dit en guest, il y a l'auteur Adrien Méniel. Donc je pensais que j'étais aussi acteur, mais ils ont dit que. Non, t'es l'auteur. Non, bien sûr, non. Ils auraient pu dire le podcasteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc toujours Antigang La Relève sur Disney Plus. Et La Bonne Auberge, on a rempli tous les paliers là du. Félicitations. Voilà. Ouais. Bravo. Je suis pas pour grand chose. Ouais. Oh, si, une vedette. Oui. Oh, arrête. Et donc on reprend hier, au moment où l'épisode va sortir. Parce que ça reprend là, ça y est. Ouais, donc saison 4 qui est la dernière de les personnages qu'on joue depuis 3 saisons là. Okay. Et donc là, dernière saison de La Bonne Auberge qui a repris du coup, là au moment où vous entendez ça. Et voilà. T'écris pour d'autres trucs à côté, tu fais d'autres choses? Oui. En ce moment, j'écris. Bah, entre autres, Feuilleman, ça a été annoncé. Oui, j'écris sur Feuilleman ouais. et puis j'écris sur deux autres longs métrages, mais c'est le tout début. Ok. Et puis d'autres trucs, et puis voilà. Ça va. Très fatigué. Je n'en peux plus, je hais ma vie, malheureusement. Je préférais pas travailler, j'étais content. Ça, j'aimais bien. L'équilibre n'est plus là. Et alors, on va le recevoir, il viendra nous en parler, mais nous, cette semaine, il y a le spectacle de Baptiste Le Caplin que j'ai coécrit qui est sur Amazon. Voilà, il arrive le 25. Donc quand vous écoutez l'épisode, c'est cette semaine. Donc oui. Peut-être c'est là, peut-être c'est passé, je sais pas. En tout cas, c'est sur Prime Video. Voir les gens que j'ai coécrit avec lui et qu'il interprète avec brio. Et donc voilà, j'espère que ça vous fera rigoler. Et puis il a encore quelques dates. Donc si vous comptez aller le voir, bon, peut-être ne matez pas le spectacle avant, ça serait vous spoiler. Mais le spectacle, si vous n'avez pas eu l'opportunité de le voir sur scène, c'est sur Prime Video à partir du 25 octobre. Voilà. Et puis voilà, d'autres trucs aussi qui vont arriver. Vermine, on a eu un prix à Sitges, oui, ça faisait plaisir. Chaque semaine, ça fait plaisir et tout. C'est vraiment trop cool. Les gens réagissent bien à ce film d'horreur que j'ai coécrit avec Sébastien Vanitschek et qu'il a réalisé. Avec entre autres Sophia Le Saffre, Théo Christine, Jérôme Niel, Finnegan Oldfield. Enfin voilà, il y a plein de gens très chouettes. Et le film sort le 27 décembre. Donc ça, on aura l'occasion de en parler. Et la projo où vous allez m'inviter, ce sera. C'est le 31 octobre. D'accord, donc c'est très vite. Bien. Après, très bien. T'as reçu l'invite. Bien sûr, non. Parce que là, c'est bientôt. C'est quand même. Très bientôt. Généralement, à une telle distance, les invitations ont été envoyées. Franchement, regarde tes spams. Je pense non, mais grave, non, mais trop cool. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Ciao. Ciao. Au revoir. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.